Ouais, on a testé un jeu qui fait hyper peur et Anso, elle est géniale quand elle a peur, elle saute partout, elle hurle, elle serre la main, enfin c'est une angoisse totale quoi. Oui, mais je suis très intense, moi je vis les choses très intensément. Et puis en m'attendant la vidéo, vous allez pouvoir gagner des cadeaux avec alloparadise.fr. Sympa ça. C'est cool hein. J'ai l'impression qu'on est sur une sorte de générosité. Ouais, est-ce qu'elle connaît alloparadise.fr la Brigitte Lahaye? Non mais surtout est-ce qu'elle va faire des opérations cliniques? La meuf elle va jouer à Zelda, que des trucs à l'ancienne. Bonsoir Manon à l'arrière. Bonsoir. Ça va? Bah ouais, explosion de ma table de mixage, c'est ouf. Comment ça explosion? Non mais c'est en rapport à Amir, mais c'est pas grave. Oh ferme. Oh là là là là là, j'ai rien compris. Moi non plus, j'ai rien compris. Jure, elle l'humour, ma mais parole. Non mais j'avais une mémoire poisson. Mais c'est quoi cette vanne? Explique. Ouais, explique-nous. Non mais c'est rapport à explosion de la chaîne Marion and So Gaming. Mais... D'accord. Ah, mais c'était vraiment de la merde. Hein. Enzo standard. Bonsoir. Ça va Bichon? Ça va super. Là l'Italie est en train de gagner 1-0 ouais. pour son premier match contre la Belgique. Donc je suis hyper content. Il est à fond Enzo hein, depuis tout à l'heure. Hein. C'est quoi là? C'est la mi-temps? Alors non, là on est à 51ème de jeu, donc voilà, une nette possession pour l'équipe de l'Italie. Ouais. Et il reste 30 minutes de jeu, donc je pense qu'il y a moyen de gagner. Excuse-moi Enzo, t'es vraiment en train de regarder la télé alors que t'es au standard? Exactement. Non mais il faut savoir que lui il est italien, donc forcément c'est un peu son pays de cœur, donc voilà, il a besoin de regarder, je peux comprendre. Voilà, hein, il est italien quand ça arrange, il est français quand ça arrange, il est un peu à voile et à vapeur. Est-ce que tu peux quand même nous présenter le premier auditeur de ce soir ou c'est trop tôt demandé? Ça peut le faire. Du coup c'est Laurine, elle a 24 ans, elle habite à Bordeaux. Et c'est justement en rapport avec l'euro, souvenez-vous les filles. Allô? Bonsoir Laurine. Coucou Marion, coucou Enzo, coucou toute l'équipe. Salut. Ça va Laurine? Coucou, ben moi ça va très très bien. Si je vous appelle ce soir, c'est parce qu'en fait, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai passé un week-end de fou grâce à vous. Parce que voilà, j'ai gagné mes entrées pour aller au premier match de l'euro en Roumanie. C'est vrai que sur Fun Radio, on vous offrait des places pour le match de l'Euro. C'était ouf, ça. Ouais. Ah ouais, mais grâce à vous, j'ai passé vraiment un week-end de dingue. Mais une tuerie d'ouverture à l'été. Mais cool. Classe de chez classe. Ah, t'as vu Guetta et tout, quoi. Ah, David Guetta, c'était vraiment le top du top. Et franchement, je vous fais vraiment plein de gros bisous et vous assurez vraiment beaucoup. Mais raconte l'ambiance, c'était dingue. Ah ouais, mais ouais, c'était trop dingue. J'étais avec mon chéri, donc ça m'a permis aussi de passer un moment foot avec lui. Et c'était vraiment trop ouf. On a fait la fête, c'était le top. On entend qu'elle est heureuse, là. Ouais, c'est clair. Elle nous crache son bonheur à la face. Ah, putain, elle est contente. Ça fait plaisir. Grave, c'est avec plaisir. Merci de nous avoir appelés. En tout cas, si t'as des petites photos, tu nous les envoies, on les balance sur les réseaux. Ok. Tout de suite, là. Ok, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, Malorine. Salut. Et c'est vrai que ça amène un truc de fou, 7 euros. J'ai pris le métro tout à l'heure avec tous les supporters suédois qui jouaient, je crois, aujourd'hui. Hein, parce que, de toute façon, il y avait des supporters partout. Et ben, c'était hyper sympa, même si globalement, ça pue les vestiaires. Mais alors, toi, t'es une grosse mytho. Tu m'as dit, j'en pouvais plus les supporters. Il n'y avait pas où s'asseoir. Mais qui retournent chez eux. Et là, la meuf, elle arrive et elle dit. Mais attendez, 7 euros, mais ça nous réunit, les gars. C'est hyper sympa. J'adore. Non, j'ai pas dit retourner chez vous déjà parce que c'est pas mon genre. Mais c'est vrai que j'étais un peu serrée. Ça sentait un peu la transpire hein, quand même. C'est gêné là. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On peut rien vous confier. On va parler des révisions parce que dans 2 jours, c'est le bac de philo et on s'est dit qu'on allait parler révision, mais avec humour. Qu'est-ce qui vous empêche de réviser le truc bête qui vous fait perdre toute votre concentration? Les supporters suédois. 01 42 48 5000. Appelez-nous et puis tout de suite, c'est Mathieu Cannabis sur Fun Radio. She's Miss California. Heard a thing it wants to lay. Housing by the water. Say the yard across the bay. Drive to Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Comme un aimant, elle m'attire mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant même si tout nous oppose. Pourtant j'hésite, lorsque je plonge dans ses yeux noirs. C'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Heard a thing it wants to lay. Housing by the water. Say the yard across the bay. Drive to Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Je comprends mieux pourquoi. She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficielle, je crois. Je ne me vois pas perdue dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle 22h14, c'est Marion et Anso et je fais un bisou à cette auditrice qui s'appelle Fanny et qui a tweeté Brigitte Lahaye en lui disant sinon la personnalité ça va par rapport au Night Show, puisque je rappelle qu'elle a créé une émission qui s'appelle Lahaye Night Show, là tout le mois de juin. Voilà, on est sur une paire de moufles de noms, quoi. Hein. Oui, mais soyez cool avec elle, nous on aime beaucoup Brigitte. Je voulais juste lui faire une forme de clin d'œil en lui disant que bon, à tout moment on peut avoir un saignement de nez. Oui, on l'aime bien, j'avoue. Bon, 01 42 48 5000, venez faire de la radio avec nous puisqu'on parle révision avec vous tout de suite. Qu'est-ce qui vous empêche absolument de réviser? Voilà, moi par exemple, absolument tout m'empêchait de réviser à l'époque. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai ni le bac, ni tout ce qui est diplôme. Donc venez nous raconter comme ça si vous êtes en échec scolaire. À tout de suite sur Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Quoi faire, Piplette? Quand tu parles, tu me prends la tête. Tu m'emmerdes. Tu raccroches, coiffeur, on dirait que t'as peur. Peur de qui? Peur de qui? Bah peur de moi qui défend les clients qui en ont marre quand on leur parle. Eh ben viens. Non, parce que si je viens, tu vas encore me parler comme tous les coiffeurs qui parlent. J'aime le dire enfin. Tu mériterais un coup de fer à friser dans le slip. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Fun Radio présente. Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Bob Sinclair, vendredi soir, au Sau Club, à Rouen. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor, mixé par le DJ superstar Fun Radio, Bob. Bob Sinclair. Attention. Retransmission en direct à partir de 2h du matin. Bob Sinclair, en DJ set exclusif au Sau Club à Rouen. C'est avec Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Yeah. The Night Show. Avec Marion et Anso. Le Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Toujours 1-0 pour l'Italie face à la Belgique là pendant l'Euro. On vous donne comme ça des petits points foot. Si jamais vous êtes dans la voiture, que vous pouvez pas suivre à la télé, on est là, on n'hésite pas, on y va. Et à tout moment, s'il y a un but, on s'y mise quoi. Hein. Voilà, petit coup de sifflet de Mano à chaque but. Hein. Moi, en tout cas, je suis pas du tout pour l'Italie ce soir. Oh, arrête, ouais, tout ça bah pour faire Chienzo. Je suis pour ta sœur en tout cas. Mec, violence quoi. N'importe quoi. Bon, on parle révision parce que c'est quand même ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. On les voit, vos messages. Bon courage. Journée avec vous, ça va très bien se passer. La philo, c'est mercredi. Évidemment, ouais. On va débriefer avec vous mercredi soir là, parce qu'il y aura forcément des ratés. Vous allez être déçus, vous n'allez pas le sentir. C'est toujours comme ça et finalement, ça passe. Voilà. Mais oui. On se dit, la philo, on a merdé et en fait, bon. Oui, c'est d'accord. Ça, c'est subjectif. Et puis, dites-vous que plus c'est gros, plus ça passe. Exactement. Mais là, on se disait, qu'est-ce qui vous empêche de réviser, vous? Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça? Vous pouvez pas vous en empêcher quand, je sais pas, moi, une odeur de bouffe, un truc, bim, ça vous ouais. déconcentre. Et voilà, la soirée est ratée, quoi. Il y a Thomas de Dijon qui nous a appelé. Bonsoir, Thomas. Salut Marion, salut Enzo, salut Côté qui. Ça va, Thomas? Bon, moi, je dis, allez les pizzas. Ouais, ça va, et vous? Par rapport à l'Italie, tout ça? Ouais, voilà. C'est une bonne vanne, ça. Ouais, pas mal. Je l'apprends, d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt, en plus, c'est plutôt perspicace, Marion. Bah, écoute, on sait jamais. Hein. Dis-nous, Thomas, est-ce que toi, t'es en pleine révision ou pas en ce moment? Ouais, je suis en pleine révision. Ouais, pour le bac? Ouais, pour le bac. Et le truc qui me dérange le plus, tu vois, c'est que j'habite juste à côté d'un McDo. Ouais, et qu'en ce moment il fait chaud, donc du coup bah, pour réviser comme je suis dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre et tu sens bien l'odeur du McDo, des frites et tout qui sont bien en train de cuire. Enfin, le truc, c'est que j'arrive pas du tout à me concentrer quoi. Tu sais que moi ça m'écœure. Hein. Ah, moi aussi ça me dégoûterait au bout d'un moment. Bah ouais, au bout d'un moment, ouais, tu vois, mais tu vois, sur le coup, quand tu sens l'odeur, ça te donne faim et tout, puis ça te déconcentre quoi. Ouais. Bon, après, dans ton cas, il suffit de laisser la fenêtre fermée. La solution oui, est vite trouvée. Sinon, après, oui, mais comme il fait chaud, tu vois. Enfin, voilà. Et peut-être éventuellement de manger, comme ça, t'as le ventre plein, ça donne pas envie. Bah oui, c'est quoi ton sandwich préféré au McDo, Thomas? Le Big Mac. Bah ouais. Ouais, classique. J'aime pas ce jingle, après, il me reste dans la tête tout le temps. Ouais, c'est pareil. Bon, bah, Thomas, tu le sens comment, le bac? Bien. Bien, ça va le faire? Oui. Tu nous tiendras au courant ? Pas de soucis, les filles. On Allez. T'embrasse, mon toto. Bisous. Bisous à toi. Il y a Camille aussi qui est du côté de Lyon. Tiens, bonsoir, Camille. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut Camille. Ça va, Cam ? Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alors, ce serait quoi, toi, le truc qui te déconcentre le plus pendant les révisions ? Ah, mais moi, c'est la télé, même les émissions d'anciens chez mes grands-parents, genre Arte ou Question pour un champion, je retourne le buzzer, c'est moi, je regarde. Question pour un champion. Pour un champion, ouais. Tu vois, moi, je te suis sur la télé, mais pas du tout sur ces programmes-là, mais moi, j'étais comme toi. C'est-à-dire que moi, l'appel de la télé, un Koh-Lanta, une émission comme ça, un bon, c'est mon choix, mais c'était mort. J'avais trop envie d'y aller et je révisais devant, quoi, mais c'est moins efficace, forcément. Mais attends, mais c'est ça. Camille, tu peux pas être déconcentrée par Question pour un champion, personne mais ne connaît. Mais le truc, c'est que juste, c'est tellement chiant, mais c'est pas chiant, mais voilà, quoi, il y a mieux. Du coup, tout ce qui passe à côté, c'est tellement bien, alors comparé à ça, que même Question pour un champion, c'est kiffant, quoi. Arrête avec ce buzzer, je vais te le faire bouffer, ce buzzer. Ouais, c'est normal. La télé, je pense que c'est le pire pendant les révisions. C'est vraiment le truc. Tu te dis, allez, je fais une petite pause, j'allume, et en fait, ça dure jamais 5 minutes. Tu restes une heure devant, calé, tu te dis, non, ouais, je comprends. Mais. C'est ça. Faut aller à la bibliothèque universitaire. Oh mec, faut être motivé quand même. Aller là-bas et tout, t'es plutôt bien dans ta chambre, t'as envie de rester, tu vois. Ouais, mais là-bas, tout le monde bosse, donc du coup, t'as envie de bosser. Hein. D'accord, bon appétit sinon, ça va bien. Le mec a la bouche pleine. Hein. Tu nous dis hein, si c'est tout ce qui est impolitesse. On t'embrasse en tout cas, Camille. Merci de nous avoir appelés. De rien, bisous. Bisous. Bisous. Oh. Salut. Marion, c'était quoi le truc qui te déconcentrait, toi, quand tu comme révisais. Cam, moi, c'est la télé. Absolument, la télé, je sais pas. La télé et la radio à l'époque aussi, parce que j'écoutais beaucoup les libres antennes. Et je me disais, ça rentre quand même. C'est-à-dire que je révise en regardant la télé, mais il y avait toujours un truc qui m'attrapait et je sais pas. Et est-ce qu'à ton époque, tu écoutais Brigitte Lahaie? Je la regardais à la télé dans ses films, surtout. Bah oui, Brigitte Lahaie, quand même, on rappelle, ancienne actrice porno qui anime une émission sur RMC le soir qui s'appelle Lahaie, le Night Show. Ah oui. On la taquine, mais elle a une super personnalité, cette fille en plus. Ah oui, non, mais grave, moi je l'aime beaucoup, Brigitte. Mais t'aurais pu appeler ça Lahaie, bienvenue Lahaie, bonsoir. Le soir. Hein. Eh, c'est vraiment une ancienne actrice porno ? Bah oui. Oui. Ah oui. Mais je me demande si elle faisait pas des trucs plutôt érotiques, non ? Si, c'était érotique, et c'est vrai qu'elle a toujours été connue comme pour ça, pour parler cul de manière très trash, très crue. Elle est comme ça, quoi. Ah, mais je viens d'avoir un truc, a priori, elle avait changé de nom. Vous savez comment elle s'appelait ? Non. Lahaie Lovin Fun. Imagine. Elle fait tout. Waouh, waouh, waouh. Lahaie dans la radio, Lahaie partout, quoi. Il y a Joachim à Limoges qui nous a appelé. Bonsoir, Joachim. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir, toute l'équipe. Salut, Joachim. Ça va, Joachim ? Oui, ça va très bien, merci. En plein examen, toi ou pas ? Moi, pas du tout. Non, moi je travaille. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, donc je travaille de nuit et malheureusement le week-end. Ah. Donc nous vendons de l'alcool. Et ben seul problème, c'est que ben qui c'est qui vient nous chercher de l'alcool ? Les petits jeunes juste avant de sortir en boîte. Ah ouais ? Ouais. Mais le problème, c'est que ben je peux pas m'en empêcher au moment où ben il y a de jolies filles qui rentrent dans la boutique. Excuse-moi, on m'a dit qu'on est sur un hors sujet. Il est où le rapport ? Eh ben en mini jupe, ben le problème c'est qu'en fait pour faire les calculs, pour lui faire la note, ça y est, j'ai compris. Ben je n'arrive même plus à compter. D'accord, donc toi en fait, ce qui te déconcentre, c'est les filles saper un peu court et tout ça, quoi. Voilà. Et le problème, ben, c'est que je suis obligé d'appeler mon patron à la rescousse pour qu'il fasse le calcul à ma place parce que ben je peux plus. Bah, Joachim, j'ai une question. T'as un peu la dalle, non, en ce moment, parce que bon, il t'en faut pas beaucoup pour être déconcentré. Ouais, mais bon, après voilà, c'est pas non plus n'importe qui se rend dans la boutique. Bah ouais, mais enfin quand même, quoi. Tu me fais peur un peu, là. Mais surtout, Joachim, on parle révision, lui, il arrive. T'as eu ton bac et tout ? Non, pas du tout. Ah d'accord. Non, rien eu. Aucun diplôme. Et là, ton taf, c'est vendre de l'alcool ? Oui, c'est ça. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Bah si, t'as des cavistes et tout ça. Ils vendent des bouteilles, des machins, quoi. Ouais, mais lui, peut-être qu'il vend de l'alcool fort, non ? Non, mais dans les cavistes, tu vends tout. C'est enfin. Exactement ce que. Ouais, oui, c'est stupide. Bon, bah écoute, essaye de, je sais pas, tu mets un panneau interdit aux jupes à l'entrée, tu sais, tu te débrouilles, quoi. Ah, mais c'est pas possible, après, on a aucun divertissement. Ouais. Ou trouve-toi une meuf, peut-être, ouais, simplement, ça. Joachim. Ouais, aussi. Ça pourrait être pas mal. On t'embrasse, en tout cas, Joachim, merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Passez une bonne soirée, les filles. Bisous. Petit hors-sujet, là, on est d'accord. Voilà. Enzo. Franchement, on va pas se mytho, on est dans les révisions, il arrive, je vends de l'alcool. Bah mais non, ça n'a pas de rapport. Bah, mais on l'embrasse quand même très fort parce que c'est un beurre. Il y a Lucas à Auxerre, il a 17 ans. Bonsoir Lucas. Salut. Salut Marion, salut Anso. Ça va Lucas ? Ça va et toi ? Salut. savez-vous. Ouais, très bien. 17 ans, ça veut dire qu'on est sur du quoi, la première ou terminale? Première. Première. Donc c'est bac de français pour toi? Bah ouais, le bac de français vendredi, ouais. Bon, tu le sens bien. Comment? Bon, vite fait, quoi, en vrai. Monsieur, ça va aller. C'est l'oral qui est dur en français, en général. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, c'est un peu chaud. Ouais, bah ouais, c'est galère un peu. Bon, ça va, si t'as bossé l'année, ça va. Ah, mais c'est ça le délire, en fait. Bah, c'est vrai, ouais. Ouais, mais c'est pas son cas. Non, pas trop. Qu'est-ce qui te déconcentre, toi? Bon, en fait, c'est les appels au moment où tu commences à réviser, les réseaux sociaux, tout ça. Tu reçois un appel ouais. pour c'est une vrai soirée. Que nous, on avait après... MSN, tu te rappelles? Moi, ouais. j'avais même pas MSN. Ah, moi, j'avais MSN et c'était le Facebook d'aujourd'hui, quoi. Et MSN, pareil, bah, c'était oui. l'appel, quoi. C'était, j'avais trop envie d'y aller tout le temps, parler bah, avec mes potes. Moi, j'avais déjà Facebook, hein. Bah, tant mieux pour toi. Mais okay. MSN, c'est pas si vieux que ça, hein. MSN. Non, bah non, même moi, je l'avais encore. Bah oui. Ah, MSN, c'est vieux. Hein. Là où non. on pouvait s'envoyer des whiz et tout. Ouais. Ouais, ouais. Entre autres. Arrête, mec. Je vais te casser la gueule. Arrête. Bon, et les réseaux sociaux, ce qu'il faut faire, c'est cacher son téléphone, déconnecter un peu, et sinon, t'as pas le choix. Sinon, les notifications, tout ça, ça te déconcentre toutes les deux secondes, quoi. Ah ouais, mais c'est dur en vrai. Hein. Ouais, mais sinon, ce que tu fais, Lucas, c'est que tu enlèves les notifications de tes réseaux sociaux et tu te dis, par exemple, de 14h à 16h, je regarde pas mon téléphone. Comme ouais. ça, en plus, ce qui est cool, c'est qu'à 16h, t'as plein de notifications ouais. et t'as l'impression ah ouais. d'avoir plein d'amis. Alors que c'est toujours le même pote relou qui te like 800 photos. On est d'accord. On en a un comme ah ouais. ça dans l'équipe. Ouais. Le gars, il like tout. C'est notre stagiaire graphiste qu'on embrasse. Ouais. Mais on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre un truc, on peut mettre un point, ouais. juste un point virgule, il va le liker. Ouais, c'est vrai, il a le like facile. C'est un serial liker. C'est pas vrai. On t'embrasse, Lucas. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Ah, y aurait moyen d'avoir un petit cadeau ou pas alors? Ouais, oui. On va te gérer un pack fun. Un petit pack fun? Allez, pas de soucis, bisous Lucas. Merci, bisous. Il m'énerve. Mais vous savez que moi à l'époque j'avais pas smartphone, j'avais pas MSN et tout ça parce que j'avais pas internet. Mmh. Enfin, en vrai, internet existait, mais j'avais pas internet chez mes parents. Et donc, du coup, moi j'étais déconcentrée d'un rien quoi. Genre un trombone, puis deux, puis trois, hop, ça me faisait un collier quoi. Tu vois? Ah, la tristesse de la meuf. Ah, mais c'est terrible. Meuf, t'es sérieuse, hein? Ah, je te jure que oui. Mais excuse-moi. Tu faisais des colliers avec des trombones? Ouais, c'est ça, ouais. Alors j'avais des cure-dents. Alors pourquoi j'avais des cure-dents dans ma chambre? Mais t'as 1000 ans? Et je faisais des montages de trucs, quoi. Je faisais des petites maisons et tout, je faisais plein de doses. Mais t'avais pas genre des jouets qui font, des trucs, des jeux vidéo, des trucs normaux, quoi? Bah, j'avais pas de télé dans ma chambre, j'avais une chaîne IFI, donc j'écoutais à la radio et tout. J'avais une chaîne IFI. Bah, ouais, déjà. Personne n'en 2016. Toi, t'avais le Walkman, là. Ouais, le Walkman, le CD, truc à CD, quoi. Oh, la tristesse. Il y a Théo à Paris qui est avec nous. Bonsoir, Théo. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut, Bichon. Aïe, aïe. Ouais, vous. Ouais, t'as quel âge toi? 8, j'ai 11 ans. Ah, 11 ans, on n'est pas sur des examens encore? Non, mais. Ouais. Bon, dis-nous, qu'est-ce qui te déconcentre quand tu révises? Moi, c'est l'Euro 2016, j'arrête pas à penser à tous les matchs que je peux pas voir pour moi. Ouais, normal, normal. Pendant la journée. Ouais. Et voilà. D'accord. Yeah. Mais est-ce que du coup, tu peux pas suivre par intermittence, tu vois? Genre, tu mets la télé sans son? Et s'il y a une action, bim, tu regardes et le reste du temps tu bosses. Belgique, Italie, thank you. Ouais, bah. J'ai jamais essayé en fait. Bah, mais moi je te le dis. Pendant les examens, en fait, j'arrive pas à penser au score, au ce qui se passe là-bas et tout. Bah, tu mets même tu m'as un replay. Je peux voir, mais. Non mais Amir, personne regarde un match à rien. Ça n'a aucun intérêt, Amir. C'est bah, stupide. Si, tu veux voir les actions, comment elles étaient et tout. Oh, arrête, ouais, tu vas sur internet au pire, ouais. Mais tu mets pas un match en replay. Mais non, mais sinon tu vas sur les applis de sport et tout, ça te dit tout en temps réel. Ouais, c'est ouais, possible. Mano, toi, c'était Roland-Garros qui te déconcentrait. Parce ouais. que nous, c'est vrai que ça tombait souvent cette période. Bah, Roland-Garros, début juin, ça commençait la révision. Ouais. Et Secret Story aussi, qui commençait mi-juin, juste avant. Et moi, je regardais pas mal à l'époque. Et juste au début, t'aimes bien connaître les gens et tout, donc tu regardes. Et du coup, ça t'a perturbé au niveau des résultats, tout ça? On était comment? Non, bah, enfin, je suis passé de 15-8 au lieu de 16, mais ça va, quoi. Vous savez, Mano, il a eu combien en maths au bac? Non. Il joue, il fait quoi? Théo, qu'est-ce que tu fous, mec? De quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de faire un concerto avec de la vaisselle. Ouais, c'est ça. C'est pas possible, quoi. Demandez à Mano, il a eu combien au bac en maths? T'as eu combien? J'ai eu 20. Mais t'as eu 20? Ouais. Ah, mais. Non, mais tu faisais pas un bac général? Bah, si, un bac ES. Ah, mais tout s'explique. C'est un des plus gros coef en plus. Donc. Ah, tu m'énerves. Oui, ouais. Et mais de bout en bout, il est chiant. Ah, j'ai envie de te taper, quoi. Ouais. C'est pas possible. Ma mention vous embrasse. Ouais, c'est ça, ouais. Théo, on t'embrasse. Tu peux faire une dédi? Oui, bien sûr. Dédi à Étienne qui est là, qui veut vous faire un coucou. Voilà. Ok. Salut Étienne. C'est tout? Bah oui. Et bah alors, on vous embrasse. Bisous, les gars. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère de l'équipe s'il y avait un truc qui le déconcentrait, lui, pendant ses révisions? Je sais pas s'il a beaucoup bossé à l'école, mais enfin. Bah oui, si. Pépère, il était au CE2. Ouais. Bah, Pépère, lui, ce qui l'empêchait de réviser, c'est l'aspirateur. Genre quand ta mère le passait dans ta chambre, tout ça? Bah non, elle me suçait quand elle avait des aftes. Oh non. Il faut bien trouver un moyen de suspicion. Un moyen de quoi? De suspicion. De suspicion. C'est la dernière. Bah oui, mais il y a sus dedans. De suspicion peut-être. Dans un instant sur Fun Radio, c'est l'incroyable talent qui va débarquer. Si vous voulez vous inscrire, Marion et Anso @funradio.fr. Et pour le son, elle est belle, on l'aime bien. C'est Hera Istrefi sur Fun Radio. C'est Bam Bam. Bonne soirée. The nuts is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show du dimanche au jeudi 22h minuit. Mais qui n'a toujours pas compris ça? Alors, c'est quand même un moment qu'on est là. Bah alors, au moins 10 mois, c'est cool. On espère vous retrouver pour une saison 2. On vous dira ça bientôt dès que ce sera finalisé. Parce que ça ne l'est pas. Moi, j'ai croisé le patron de Fun tout à l'heure, là, Sébastien Joseph, ouais, qui a fui. Quand alors peut-être que c'est un indice. Non, alors, je sais pas. A priori, ça sent plutôt bon, mais on ne sait jamais. Rien n'est fait. Donc, si vous voulez qu'on reste, ouais, éventuellement, tweetez le patron de Fun, Sébastien Joseph. Vous lui dites, on veut qu'elle soit là et puis voilà. Non, par contre, tweeter Tristan. Oui, bah. Ouais, mais il a un nom de famille trop compliqué. Ouais. Et puis la dernière fois qu'on a fait un tweet, c'est mal passé. Ouais, ouais. On oublie tout ce qui est Tristan, on s'attaque à Sébastien Joseph. Allez, on y va. Fun. Un incroyable talent. En revanche, je vous donne le bon tweet de la personne, c'est Seb Lucas Joseph. Paul Marie Jean-Mière. Voilà, le gars. Le gars met des difficultés, hein. Jean-Mière donc, hein. Merci Manon pour cette intervention. Bon, le seul, un incroyable talent. On vous rappelle qu'on est toujours à la recherche d'une animatrice radio pour le réseau Ça c'est vrai Fun. Recherche vraiment une animatrice. Donc si vous êtes chaud, vous passez dans cette séquence. Si vous êtes bon, nous on envoie la maquette directement au patron. Et éventuellement vous êtes recruté, c'est plutôt cool. Ouais, avec un contrat et tout quoi. Marion Ensor @funradio.fr. On va voir si c'est une animatrice ce soir. Peut-être, elle s'appelle Aurélie. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, et toi? Ça va super. Alors, 21 ans de Paris. C'est ça. Quel est ton talent, petite Aurélie? Je suis comédienne. D'accord. comédienne. C'est-à-dire, est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu fais des cours? Comment ça se passe? C'est pas mon métier, mais j'aimerais bien. Pour l'instant, je prépare un spectacle parce que je suis aussi humoriste à côté. Ah, cool, un one woman show, quoi. Ouais, on est deux sur scène, donc. Bah, fais ta pub, dis-nous où c'est. Bah, c'est le 20 juin sur la péniche Antipode à 20h. Voilà, c'est le Moustachio. Le Moustachio? Okay. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter. Eh bah, écoute, tu sais quoi, si t'es bonne ce soir, peut-être qu'on viendra te voir avec l'équipe. Pourquoi pas? Ah, bah, ça serait cool. Alors, il paraît qu'au Standard, on t'a donné des axes à travailler, comme un vrai casting. C'est tu ça. As bossé tes textes, c'est ça? Ouais, c'est ce que je peux. Alors, du coup, le scénario, là, ça va être de draguer Amir à la manière de différents films. Du coup, on va te donner à chaque fois le film, et toi, tu te lances, on sait pas du tout ce que t'as préparé, donc surprends-nous. Hein. Ok, ça marche. Premier film, Aurélie, tu vas devoir le jouer film de guerre, la meuf à bout, qui n'en peut plus, tout ce qui est baston, guerre, quoi. Vas-y, Amir est là. Amir? Ouais. Faut que je te dise quelque chose, c'est que. Vas-y. Que je t'aime et si jamais je survis pas à cette putain de guerre, faut que tu saches vraiment que je t'aime. Okay. Et que c'est pas cette guerre de merde qui va tuer notre amour. Non, jamais. Et si je perds une jambe ou un bras, je sais pas. Bah, c'est mort. J'espère quand même que tu m'aimeras pour ce membre. Pas mal. Je t'aimerais toujours. Puis l'avantage, c'est qu'en plus, il pourra remplacer ton membre perdu par l'un de ses sourcils. Et ça, c'est quand même très pratique. Elle fait bien la meuf à bout paniquée qui est en train de mourir. Mal, hein. C'est pas dégueulasse. Ouais. On change de registre. Le film romantique, la loveuse, la meuf, voilà, fleur bleue, quoi. Salut, Amir. Salut. Plus le temps passe avec toi, plus je me dis que je t'aime vraiment. Et c'est pas, enfin, je t'apprécie vraiment et je crois même que je t'aime. Et j'aimerais vraiment être la femme de ta vie. J'aimerais me marier avec toi, vivre à tes côtés, mourir avec toi. Et surtout, j'aimerais porter le fœtus sourcil qui sera le fruit de notre amour. Le fœtus sourcil. Ouais, attention, ouais. On me fait signe que ça m'angoisse. Ah hein, là, ça m'a fait kiffer. Là. C'est pas mal parce qu'elle a une jolie voix en plus, donc ça reste bien. Ouais. Ok, on se tente le film d'horreur. Ah ouais. La meuf en panique. Amir. Ouais. Vraiment, aime-moi. Aime-moi comme un fou, comme un psychopathe qui aime ton âme, qui aime sa lame de rasoir, qui est elle-même aime la gorge d'un enfant. Et embrassons-nous. Ouais. Alors là, je sais pas, ça faisait pas vraiment la meuf qui avait peur, ça faisait plus la meuf excitée, non? Non, ça faisait surtout la meuf qui a envie de buter des gens, hein, surtout. Hein. Et qui a envie de baiser tout de suite. Ça fait la psychopathe. Aimer la gorge d'un enfant, c'est quand même très bizarre. Hein. C'est chelou, on va voir ce que ça donne sur le film érotique, justement. Peut-être avec l'accent chaudasse marseillais, ça peut être pas mal. Là, ça me plaît, là. Oh, le vieux cliché. Bah oui, en film de cul, quoi. Ah bah oui, film érotique, non, marseillaise. Et marseillaise. Voilà. Bon, allez, vas-y, lâche-toi. Bonsoir. Ouais, salut. Comment ça va? Bah écoute, bien et toi? Bah écoute, ça va super bien. Hein. Bon, dis-moi. Je viens pour réparer ton imprimante de couleur. Oh, ça fait longtemps que les faits ne sortent plus. Hein. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il paraît que le papier bourre dans le bac à papier. Ah, le bourrage, il sort plus. Alors écoute, tu peux me laisser dégorger tout ça et puis un prix d'amis payable en nature. Ah bah écoute, vas-y, hein. Viens changer mon encre, écoute. Oh. Non mais attendez, est-ce qu'il faut quand même qu'on revienne sur cet accent minable d'Amir? Ouais, mais il passe bien mon accent. Non Amir, non, c'est dégueulasse. En tout cas, j'ai vu qu'à Marseille. Viens changer mon encre. J'ai passé un week-end. Ça veut rien dire en plus. Ouais. Mais bon. Elle, c'était pas mal. Franchement, moi j'ai plutôt bien aimé. Hein. Ouais. Bah Aurélie, déjà, elle a bossé. Il y avait de l'écriture. Il y avait des petites phrases sympas. Il y avait de l'accent. Il y avait de l'intonation. J'ai pas aimé le film d'horreur, mais le reste, j'ai plutôt aimé. Donc on va voir ce que ça donne, Aurélie. Il te faut les 5 gouilles de tout le monde pour venir tout frais payer dans les studios de Fun. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Enzo. Non. Manuel. Oui. Amir. Oui. Anso. Bah oui. Marion. Oui, c'est un oui. Enzo, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est surtout une première qu'Enzo dise non comme ça, alors que nous on dit pourquoi, tout Enzo? Parce que, en fait, j'ai pas été réellement surpris par ce talent. Je pense qu'on fait des talents parfois qui sont vraiment plus surprenants. Et là, je mets oui. Mais là, je trouve que c'est assez banal. Non, mais mec, banal de quoi? Elle était hyper bonne. Ouais, elle était bonne, certes, mais moi, ça m'a pas forcément plu. Un jour, on va faire ton talent à l'antenne aussi. Ouais. On va voir. Bah, je demande que ça. Donc là, Enzo dit non, on la refuse, quoi. Bah ouais. D'accord. Bon, bah, c'est le jeu. Je suis désolée, Aurélie, hein, il te faut les 5 oui. Il a dit non. Je lance le hashtag EnzoGate. Mais en tout cas, c'est vachement bien et continue. Et si on peut venir te voir le 20 juin sur la péniche, on viendra parce que t'as l'air hyper cool en plus. Ouais. Ok. Ça tombe un quoi, ça, le 20 juin? Je sais pas. Ça tombe un lundi. Lundi prochain. Hey, ça nous arrange pas, cette histoire. Eh, Bichette, si t'as envie de passer dans l'émission, nous faire un coucou après, il n'y a pas de souci, tu viens, t'es à Paris. Ouais. On n'a rien à payer, donc si t'as envie de venir, tu viens, d'accord? C'est moi qui décide, avec Enzo. Ok? Ok. Ok, bon, on t'embrasse, ma chérie, à très vite. À très vite, au revoir. Bisous. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, les gars, on va parler d'un sujet qui nous intéresse de ouf avec Marion. Ouais. Ce sont les gens qui ont vécu des trucs bizarres. Ouais, des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur corps, qui ont failli mourir en fait, hein, et qui ont vécu ça et qui vont tout nous raconter à l'antenne, j'ai hâte. On va parler de ça avec un auditeur, un homme de sexe masculin de type mec. Restez là, 01 42 48 5000, on en parle juste après Rehab sur Fun Radio. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood, on against the lead. Cause we can love any time of day, it's all good for me. Là, on est en direct avec vous jusqu'à minuit. Oh là là, j'adore. Et dans un instant, c'est clairement notre coup de cœur avec Marion. Il n'était pas prévu ce soir, on a voulu absolument vous le passer parce qu'il nous fait marrer. Tout simplement parce qu'il dit Konnichiwa dans sa chanson. Non, mais même, il est ouf ce titre. Puis il dit pardon, madame. Aussi. Il y a toutes les langues dedans. Ça fait réviser en plus à l'approche du bac, c'est pas mal. Et ça détend comme ça, on est bien quand on écoute ce son. Et moi j'aimerais quand même faire un bisou à notre grand patron Tristan au nom compliqué, puisqu'il nous écoutait et qu'il a tweeté. Voilà, il nous a dit, en tout cas, le patron qui a un nom compliqué, il vous écoute assidûment chaque soir. Hashtag, même les Danois vous écoutent. On l'embrasse. Ils ont de l'humour, les boss à Fun, et ça, c'est plutôt cool. Ouais, il n'y a que ici. Hein. Voilà, donc vous pouvez aussi le tweeter pour éventuellement savoir ce qu'il en est d'une saison 2. Ça fera peut-être avancer la machine. Qui ouais. sait voilà, c'est jamais. Ça. Hein alors, c'est @Jurgensen, J-U-R-G-E-N-S-E-N, _, T majuscule. T'es une vraie balance. Voilà, allez-y. Voilà, Tristan, bon courage pour tous ces voilà. Et Tristan, il va falloir qu'on se voit rapport au Laen Aicho. Hein. Tout ce qui est piquage de noms sur ouais, du Brigitte, ouais. tout ça, quoi. Hein, qu'on en parle. Tristan, on compte sur toi, hein, t'es dans le game. Bon, on voulait parler d'un sujet un peu plus sérieux avec Marion ce soir, parce que c'est un truc qui nous fascine. Tout ce qui est les personnes qui ont vécu la mort de près, en fait. Voilà, c'est ça, hein. Les expériences de mort imminente, ça s'appelle comme ça. Moi, j'ai lu pas mal de livres là-dessus. Je trouve ça énorme parce qu'il faut savoir que toutes les personnes, ou presque, ont le même témoignage. C'est-à-dire que, voilà, on pourrait se dire, les cartésiens se disent, c'est un phénomène scientifique, ça s'explique par des hallucinations, tout ça. Mais quand même, dans le monde entier, ils racontent tous la même chose. Ils arrivent à sortir de leur corps, à voir des choses, à rencontrer des gens. Et ils survolent tout, en fait. Et c'est assez incroyable. Et après, ils reviennent à la vie. Du coup, nous, on a bossé, on a trouvé des gens qui l'ont vécu. Donc après, on y croit, on n'y croit pas. Le débat est ouvert. Si vous y croyez pas, vous pouvez nous appeler la 01 42 48 5000. C'est un numéro gratuit. Donc il n'y a pas de souci. On se fait ça dans un instant. Et si jamais vous avez vécu un truc comme ça, s'il vous plaît, appelez-nous. On veut tout savoir. Oh oui, on partage. Allez, on revient tout de suite sur Fun. Check it out. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Dimitri Vegas and Like Mike. Get your hands up. Galantis. Benny Benassi et Chris Brown. Fun. Matin. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Come on! Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun. This is what you came for. Fun Radio, je like. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had the bus of the silence. You know. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. rencontrer deux belles franges dans ta région. Alors, reste en ligne. Marion et Anso sont avec vous dans le Night Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Hashtag le Night Show si vous voulez réagir à l'émission. Il y a le Pourquoi tu m'appelles là qui débarque dans 15 minutes. On vous offre vos enceintes Bluetooth en plus. Restez là, c'est plutôt sympa. Mais là, ça y est, c'est le dossier du soir. On voulait parler des expériences de mort imminente. On a eu de la réaction en plus au standard. Et a priori, il y a un but, c'est ça Mano? Oui, but Italie, de l'Italie. 2-0 face à la Belgique. Enzo, qui est italien, est comme un ouf. Oh là là. Qui a marqué, Bichon? Je sais pas qui c'est, mais je l'aime. Bon, bah ça sent bon, là, c'est bientôt fini le match, en tout cas. Donc, et on embrasse tous les Belges qui nous écoutent, qui doivent être dégoûtés par contre. Hein. Et puis les Italiens qui parlent, bien sûr, français. Bon, revenons à notre sujet du soir, la mort imminente. Comment ça se passe? Nous, on a lu plein de trucs. Anso, toi, tu nous parlais d'un bouquin, mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vachement bien. Ça s'appelle Une larme à couler. Oui. Et c'est l'histoire d'une femme qui, il me semble, je me rappelle plus très bien, mais je crois qu'elle a fait un AVC. Mm-hmm. Et bah, tous les médecins pensaient qu'elle était en état de mort cérébrale. Donc du coup, il lui faisait des examens, tu sais, les paupières pour pas que ça s'assèche et tout ça. Mm-hmm. Et en réalité, elle sentait absolument tout, elle entendait tout et elle sentait tous les examens. Donc une douleur intense, mais elle pouvait absolument pas bouger les membres, ni parler, ni crier, ni quoi que ce soit. Donc elle a pleuré. Donc à un moment donné, une larme a coulé de son visage et c'est là que les médecins se sont dit, mais en fait, si elle était réellement morte, elle aurait pas pu pleurer. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'elle était bien vivante. En fait. Alors ça, c'est vrai que c'est une histoire de ouf. Je pense que je vais lire le bouquin, mais c'est pas la même chose. Parce que l'expérience de mort imminente, c'est vraiment tu sors de ton corps, bah tu es mort quoi, avant de revenir à la vie. En tout cas, c'est ce qu'ils disent les gens, et on a trouvé pas mal de points communs. A priori déjà, t'as un phénomène qui s'appelle la vision complète de ta propre existence. Donc je pense que tu revois toute ta vie en entier. Il y a la vision d'un tunnel, que tout le monde dit, ouais. La rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière et un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité. Ça, ça revient à chaque fois. Donc moi, je veux bien croire le côté scientifique, tout ça. T'es un peu shooté, machin, tout ce que tu veux, c'est le coma. Mais au bout d'un moment, autant de témoignages, tu te dis, il y a quelque chose quand même. Cela dit, c'est plutôt rassurant pour les gens qui ont peur de la mort. Oui. En fait, tu te dis que visiblement, t'es hyper apaisé, quoi. D'ailleurs, tous les gens qui ont vécu ça disent, je n'ai plus peur. Parce que le sentiment est tellement fou et c'est tellement une paix intérieure totale que du coup, ils se disent, ils sont complètement sereins, quoi. Bah, on va voir si Jeff a vécu ça. En tout cas, il nous a appelé de Paris. Bonsoir, Jeff. Bonsoir, les filles. Ça va, Jeff? Oui, et vous? Bah ouais, très bien. On est hyper curieuse d'entendre ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans quelles conditions? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un grave accident de moto. Mm-hmm. Un mec qui m'a déboîté en face et je l'ai percuté. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'accident, moi, je l'aurais tué, j'ai fermé les yeux. Et la seconde d'après, j'étais... j'ai plus pas de douleur. Je me sentais bien, très bien, mais rempli d'amour. Et j'avais l'impression de flotter. D'accord. Et ça a duré un temps qui, pour moi, était mais monstrueusement long. Mais j'étais bien. D'accord. Donc, en fait, est-ce que tu as été déclaré mort en état de mort cérébrale ou quelque chose comme ça sur le coup ou pas du tout? T'étais dans le coma? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai... Tout en flottant, je me suis retourné. Et en fait, en me retournant, je me suis vu allongé par terre. Ouais. En train de me faire réanimer par les pompiers. Ah ouais, carrément. Tu t'es vu, en fait. Je me regardais en train de me faire réanimer. D'accord, t'es sorti de ton corps, t'étais au-dessus de toi et tu voyais toute la scène. Je flottais au-dessus de la route, je voyais les pompiers, j'ai vu le SAMU arriver, je me suis vu me faire réanimer, quoi. Mais cela dit, c'est exactement ce qu'on pourrait voir dans les films, en fait, mais je pense qu'ils se sont vachement renseignés sur la question pour que ce soit ultra réaliste dans les films. Ouais, c'est et vrai. En fait, j'imagine tout à fait ce que t'as pu vivre à travers les films, justement. Mais en fait, la chose, c'est que quand tu vois ça, moi, j'avais pas peur. Je me voyais me faire masser, les voir me planter les aiguilles, mais j'avais pas peur, j'étais bien. D'accord. Ouais, t'étais pas comme paniqué, quoi. Non, pas du tout, c'est rempli d'amour. Tu te regardes en train de te faire animer, mais c'est pas du tout effrayant. Mais alors toi, t'es un vrai miraculé, c'est-à-dire qu'après, t'es revenu à la vie. Ben disons qu'après, au bout d'un moment, j'ai compris que, en regardant qu'ils m'avaient réussi à me rattraper, et en fait, ils m'ont monté dans le camion. Ouais. Et je me suis vu suivre le camion des pompiers jusqu'à l'hôpital. Je me suis vu me faire opérer. Ah ouais? C'est-à-dire, j'étais au-dessus de la table et je voyais les médecins, les infirmières, tout le monde en train de m'opérer, mais toujours sans aucune peur. Et sans douleur? Non, rien du tout. Mais t'avais pas peur, pourquoi? Parce que t'avais confiance et que tu disais qu'à un moment donné, t'allais revenir à la vie? C'est un sentiment qui te remplit. C'est-à-dire, tu peux pas l'expliquer, c'est quelque chose qui est en toi, c'est de l'amour, c'est du calme, c'est une sérénité, mais... comme jamais j'en avais connu dans ma vie. Est-ce que toi tu as vu, parce que moi j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, est-ce que tu as vu une entité, quelqu'un que tu connaissais qui était décédé, qui t'aurait accompagné, ou est-ce que tu étais seul? Ah non, j'étais seul à me regarder, donc après ils m'ont emmené dans ma chambre, et après je pouvais me promener dans l'hôpital. C'est ouf, hein. Ah, c'est un truc de dingue. C'est ouf, mais moi j'y crois, hein. Moi je suis à fond, je sais que ça choque certaines personnes qui se disent mais n'importe quoi, mais moi je sais pas. Bah tu sais, à la base j'étais un peu comme ça, mais c'est vrai que, enfin je veux dire, c'est vraiment bizarre, mais ce qui est encore bizarre c'est juste le fait de ne pas avoir peur. Et tu es bien, tu te promènes, tu passes à travers les murs, tu es bien. Et après tu te rappelles de tout, c'est-à-dire que quand tu reviens à toi, t'as des souvenirs de tout. D'accord. Absolument tout, et c'est à ce moment-là que quand on discute avec des gens, tu leur fais un peu peur parce que tu leur racontes des choses que tu peux pas avoir vues. Ouais, ils te prennent pour un fou, quoi. Bah, tu sais, quand tu te réveilles, au bout d'un moment, on dit au fait le petit garçon qui est né tel jour à telle heure et qui dit attendez, mais ouais. Comment vous saviez? Je dis bah, je l'ai vu naître. Ah ouais, tu t'es baladé dans l'hôpital, truc de ouf. Voilà. Et du coup, les médecins, ils ont réagi comment? Est-ce qu'ils t'ont dit non, mais c'est pas possible? Parce que le médecin, à la base, c'est un scientifique et ouais. En règle générale. Ils ont un peu d'un œil bizarre. Ouais, mais du coup, quand tu leur as dit des choses que eux seuls pouvaient savoir, par exemple l'opération et tout ça, et ils ont été obligés de te croire. Après, je pense qu'il y a parmi le personnel hospitalier, des gens qui y croient un peu, parce qu'autant t'en as cinq qui t'ont vraiment d'un bizarre, autant t'en as d'autres qui te regardent comme s'ils savaient, mais moins, tu sens au fond d'eux qu'ils l'ont vu, peut-être même qu'ils l'ont déjà vu par rapport à d'autres personnes, ou d'autres personnes ont eu la même chose que toi, et où ils en auront parlé, donc tu sens que certains d'entre eux y croient aussi, parce qu'ils l'ont vu via d'autres personnes. Ouais, c'est un truc de fou, Jeff, en tout cas, bah ce que ouais. Tu nous racontes. Hein. Franchement, merci de nous avoir appelé pour nous raconter ça. Il y a d'autres témoignages au standard, donc on va te faire un énorme bisou, mais merci beaucoup. Okay. Et juste un truc, fais attention sur la route, tout ce qui est moto, tout ça. Hein. Bah maintenant, de manière, j'ai une jambe complètement explosée, donc la moto, c'est terminé. Bon, ouais. Bah, tu fais attention en voiture aussi, tant qu'à faire. Voilà. Et en vélo, tout ce qui est véhicule, hein, motorisé. On t'embrasse, Jeff. D'accord, merci. Bisous. Il y a Damien aussi de Lyon qui nous a appelé là. Bonsoir, Damien. Bonsoir, toute l'équipe. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Bon, raconte-nous, Damien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as vécu ce phénomène, toi aussi? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, c'est ma grande sœur. Ouais. Il faut savoir qu'elle a 42 ans. Et quand elle a eu son premier fils, elle est décédée quelques secondes, en fait, à l'accouchement. Mm-hmm. Donc, elle a eu un arrêt cardiaque pendant quelques secondes. Et à son réveil, elle a dit à mes parents, puis à moi plus tard, qu'elle avait vu un tunnel, et comme vous aviez dit, et aussi une lumière blanche. C'est fou, ça. Et donc, elle était attirée par ça, mais qu'elle sentait terriblement bien. Complètement apaisée, complètement détendue. Enfin, elle sentait bien, tout simplement. Et elle se dirigeait vers cette lumière. Et quand elle a entendu ma voix d'enfant, parce que moi, j'avais 7 ans, quand ça lui est arrivé. D'accord. Et donc, elle a entendu ma voix d'enfant et elle s'est retournée. Parce qu'elle était très proche de moi. On était très fusionnels avec ma sœur. Et je lui ai tendu la main. Et elle a dit que quand elle a pris la main, elle est revenue à elle, en fait. Ah, c'est ça que j'allais te demander. Comment tu reviens à un moment donné à la vie? Enfin, qu'est-ce qui faire revenir dans le monde du réel. Attends que je comprenne bien, toi t'étais dans la salle d'accouchement et tu lui as vraiment physiquement tout. Pris la main? Ah non. Non, du tout, moi j'étais pas là du tout. Ah d'accord, non, donc elle s'est imaginée. Exactement, ouais. Cette situation où je l'appelais et donc c'est ça qui l'a raccroché à la vie. C'est énorme, t'imagines que limite t'as sauvé la vie de ta sœur, quoi. Bah ouais, ça a toujours été aussi fort, hein. On est très très fusionnels. Et ça c'est bug. Vrai que et elle appelait son fils. Avec le même prénom que moi, en fait. Ah bah ça doit être pratique au réunion de famille, ça. Ça c'est bizarre, par contre. Ah ouais, mais c'est un truc de malade. Et du coup, elle est revenue. Elle est restée combien de temps, tu sais? Enfin, comment dire? Là-haut, j'ai envie de dire, mais je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Ça a duré quelques secondes, je crois. 30 à 50 secondes complètement. Mais elle a cru que ça a duré longtemps, hein. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, ouais. Mais voilà, c'est quelques secondes d'arrêt cardiaque. Truc de ouf. Ouais, c'est un truc de dingue. En tout cas, c'est hyper beau. Elle avait vu un tunnel et voilà. D'accord. C'est hyper beau, Damien, sauveur de sœurs. Exactement, et voilà que mon neveu s'appelle pareil. Il s'appelle Damien. Damien avec KY. On a quand même dit on va différencier les deux. Ah bah oui, c'est vrai qu'à l'oral en plus on différencie bien. Damien, on t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Gros bisous, au revoir l'équipe. Merci. Bisous à Damien. Oui, Amir. C'est vrai que moi j'ai un super pote qui s'appelle Samy et qui je fais un bisou, qui a eu un accident de voiture il y a un an et demi. Et il a eu la même chose, il est tombé dans le coma, le mec. Et en fait, ce qu'il m'a raconté, c'est que. Quand il était dans le coma, en fait, il était au-dessus de son corps, comme les auditeurs le disaient, et il voyait tout, il entendait tout, et en fait, il criait pour dire qu'il était là. en fait. Mais vraiment, il expliquait tout. Enfin, il entendait les trucs des médecins et tout. Il y avait plein de détails dans la chambre d'hôpital pour, enfin, qu'il puisse raconter ensuite après aux médecins qui lui ont dit c'est vrai, on a dit ça, c'est vrai, on a fait ça. Et il essayait de gueuler pour dire aux gens putain, je suis là, je suis pas mort, et personne n'entendait évidemment. Et la fin, en fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'il a vu à un moment donné une espèce de grosse lumière qui l'a ébloui. Et au moment où tout est devenu blanc, il s'est réveillé. Et la première chose qu'il a dit au médecin, c'est putain de merde. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Parce qu'il était dégoûté. Parce qu'en fait, il avait une sensation de bonheur, de bien-être au-dessus. Et il était dégoûté. Et du coup, il s'est dit, vu que son père à lui est décédé, paix à son âme, et ben, il s'est dit, maintenant, je sais que mon père est bien là où il est. C'est un truc de beau. Hein. Mais dites-nous ce que vous en pensez, ça m'intéresse là, avec le hashtag Le Night Show sur Twitter, sur Facebook aussi. Si vous y croyez, si ça vous parle, si vous trouvez ça complètement débile, si c'est impossible pour vous, j'ai bien envie de savoir. Et n'hésitez pas, nous, on peut vous prendre à l'antenne aussi, même si vous trouvez ça complètement con. Hein. Oui, bien sûr, on n'est pas fermé. Hein. Voilà, on n'est pas fermé à la discussion. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui appellent, c'est un truc de fou quoi. Ouais. Il y a Lina, elle est à Poitiers aussi. Bonsoir Lina. Bonsoir tout le monde. Ça va Lina? Ça va, ça va. T'as quel âge toi? J'ai 25 ans, bientôt 26. Ok, raconte-nous pourquoi tu nous as appelés. Alors en fait, moi j'ai eu... je me sentais pas très bien à table, j'étais un peu plus petit, enfin plus jeune. J'ai 16 ans à peu près. Et je me sentais pas très bien à table et je suis partie m'allonger dans le canapé, dans la salle à manger. Et en fait, j'ai mon corps, mais je me sentais plus dans mon corps. J'ai mes sœurs qui sont venues me voir et tout, elles me disaient « ouais, c'est du fake, machin, hein. » Sauf que ma mère, elle essayait de me réveiller, à me secouer, j'étais toute ballante, enfin, j'avais les bras qui tombaient et tout ça. Et moi, pour moi, enfin, j'ai essayé de leur parler, mais après coup, ils m'ont dit « non, on t'entendait pas parler, tu faisais juste des bruits, mais des bruits vraiment bizarres. » Et moi, en fait, voilà, à ce moment-là, enfin, ils ont essayé de me réveiller, ils ont appelé les pompiers, enfin, ils ont appelé plein de monde. Et moi, en fait, je voyais la scène au-dessus de moi. Je me voyais avec les gens qui tournaient autour de moi, qui comme essayaient tout le de monde. Me réveiller et tout ça. Mais Lina, il t'était arrivé quoi, en fait, en gros? T'avais fait quoi? J'ai eu les symptômes de la méningite. Ah ouais, voilà, ça c'est grave. Hein. Maladie du cerveau, c'est ça? Ouais, ça c'est fulgurant, c'est hyper grave. Et du coup, enfin là, du coup, heureusement, c'était que les symptômes, mais tout le temps, en fait, où ils m'ont emmené, parce que du coup, c'est pas les pompiers qui sont venus, mais c'est le médecin qui est venu, où ils m'ont emmené à l'hôpital en urgence, parce que les pompiers, ils auraient pas été assez rapides. Et du coup, moi, tout le long du trajet, j'étais, mais à côté, comme si j'étais, je volais à côté, en fait, et je voyais que les lumières, en fait, que une lumière blanche, en fait. Ouais. Il y avait une lumière blanche qui me suivait. Ouais, c'est un truc de fou, ah, voilà. Ok, mais juste rassure-nous, maintenant tout va bien niveau santé? Oui, tout va bien, tout va bien. Bon. Le seul truc qui m'avait vraiment marqué aussi, c'est tout le long où en fait j'avais l'impression d'être hors de moi. J'avais ma grand-mère qui était décédée. J'avais l'impression qu'elle était à côté de moi en fait, ouais. Qu'elle m'accompagnait. Ouais. Qu'elle m'accompagnait, mais qu'elle était plus là pour me rassurer. Que pour m'emmener ailleurs, quoi. Ouais, je vois très bien. Ouais. Bah, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est un truc de fou, ça. Et du coup, t'as plus peur de la mort, Lina? Si, quand même. Parce que franchement, pour moi, ça a été vraiment une expérience quand même flippante. Parce que quand t'es gamine et que tu te réveilles et que tu te dis, mais j'avais l'impression d'être hors de moi, les gens, ils te regardent, ils te disent, mais t'as craqué, c'est pas possible, quoi. Et voilà, c'est une expérience quand même assez chelou, quoi. Ouais, je comprends. Eh ben, merci de l'avoir partagé avec nous, Lina. Et tu prends soin de toi, hein. Merci, à vous aussi, prenez soin de vous aussi les filles. Bisous ma belle. Bisous. Ciao, ciao. L'équipe, je vous ai préparé un vrai faux sur les phénomènes paranormaux qui se sont produits ou pas. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Allez, le vrai faux du Night Show. En Angleterre, une mère qui venait de perdre sa fille d'un malaise cardiaque a réussi à enregistrer sa voix sur un dictaphone plusieurs semaines après sa mort. Non, c'est possible non, ça. Ouais, c'est fake. Eh ben non, c'est vrai. Il y a eu un reportage sur elle aussi. Alors, je sais pas comment elle a fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est la gamine qui est apparue à elle et elle avait sa voix, elle avait des paroles d'elle, quoi. Mais il y a des expériences comme ça, hein, où tu peux. De ouf. Je comprends pas. Moi, ça m'épate. C'est flippant, c'est flippant. En 300 ans, une dizaine de personnes ont péri à cause d'une combustion spontanée. Ah oui, genre, ils prennent feu tout seul. Voilà, pour expliquer aux plus jeunes, il se passe rien, t'es chez toi. Et bim, tu prends feu. Ouais, c'est possible. Ça existe. Et bah ouais, c'est vrai. 300, en 300 ans, une dizaine de personnes, c'est énorme, non? Ils sont en enfer direct, les pauvres. Non, mais surtout, même t'imagines le flip. C'est vrai que tu comprends pas. T'es là, tu prends feu, quoi. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. En Californie, un troupeau de moutons s'est soudainement suicidé en sautant d'une falaise. Ouais. Non, c'est faux, mais c'est arrivé à des vaches. On ne sait pas pourquoi. Il y a un troupeau de vaches qui s'est suicidé. Ils ont tous sauté en même temps du feu. La dépression, quoi. Tu vois, les One Direction qui se séparent, tu vois, les vaches, c'est les En 1867, une petite fille meurt de la tuberculose. Tous les ans, un homme en noir dépose une fleur sur sa tombe. Ça fait 149 ans que cet homme vient déposer une fleur. Personne ne sait qui il est. Oui, bon, c'est possible. Ouais. C'est impossible d'inventer cette histoire. Eh ben ouais, c'est vrai. Mais et pourquoi il l'arrête pas, le mec? Eh ben personne n'arrive à l'approcher. Non, mais 149 ans en plus, c'est pas possible. De génération en génération, il y a un gars qui vient. Ou c'est un esprit, mais personne n'arrive à l'approcher, c'est à le saisir. Il est tout le temps en noir. Et voilà, il est venu depuis 149 ans. Truc. Il est bien aimable. En Australie, un homme de 30 ans a échappé à la mort en se jetant d'un avion en flammes à plus de 600 mètres d'altitude et a été sauvé par une forme étrange qui l'a redéposé au sol. C'est quoi la forme? Il y a des sourcils. Non, c'est faux, c'est faux. Non, bah t'imagines quand même, c'est complètement perché. En 1974, un Américain a appelé la police pour dire qu'elle s'était fait violer par un fantôme à plusieurs reprises. Mais non, oui, si c'est possible. C'est ça. Vrai. Ouais, c'est possible. Ça m'étonne pas. C'est vrai. Alors après, est-ce qu'elle était ouf ou pas? La meuf, elle a dit, je vous jure, je me fais violer par un fantôme. En même temps, si les beaux gosses. Ouais, mais attends, ça c'est chaud à prouver quand même. Ça perd du truc. Je te confirme. Aux États-Unis, des fermiers ont remarqué que des petits animaux tombaient du ciel, genre souris, grenouilles, pendant qu'il pleuvait à torrents. Mais non. Oui, si c'est possible. Oui, c'est possible, ça arrivait plusieurs fois. Oui, mais ça, c'est le vent, c'est... Mais je sais pas, mais en tout cas, un jour, chez mes parents, je me suis réveillée, ils habitent sur une place, et il y avait des grenouilles, des crapauds partout. Oh, l'angoisse. Et tu sais pas d'où ça vient, quoi. Il avait beaucoup plu, mais enfin, tout de même. Et enfin, en France, un homme fan des serpents s'est fait manger par l'un d'eux et est devenu lui-même serpent. La légende raconte qu'il serait membre du jury de The Voice. Vrai ou faux? Big up à Florent Pagny, qu'on adore. Pagny et son manteau. Bah oui. C'est vrai qu'il est tout le temps habillé avec des trucs chelous, Florent Pagny. C'est l'homme serpent, le gars, quoi. Et franchement, moi, je trouve que c'était hyper cool et il faudrait qu'on en reparle parce qu'il y a pas mal de gens qui ont appelé. Oui. Et j'aime bien ces histoires qui font un petit peu peur, moi. Je kiffe, moi aussi. On en reparlera, il n'y a pas de souci. Si vous le demandez, vous nous dites avec le hashtag Le Night Show, on est à votre service. Voilà, on est complètement à l'écoute. 01 42 48 5000 pour faire de la radio avec nous. En tout cas, dans un instant, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. Juste après, allez. Oh, c'est pas vrai, ils sont là, ceux-là. Hein. Jackie aux manettes, Dimitri Vegas, Like Mike. Bienvenue là, si vous venez de nous rejoindre, on est en direct avec vous jusqu'à minuit. Et je voulais revenir sur un truc qui s'est passé toute la journée. Je l'ai vu passer sur tous les sites, sur les réseaux sociaux. Oui. Ça concerne Joachim Löw. C'est l'entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne. L'Allemagne qui a joué hier d'ailleurs face à l'Ukraine. Contre l'Ukraine, ils ont gagné 2-1, c'est ça? 2-0. 2-0. J'étais pas loin. Hein. Joachim Löw, donc, du coup, on le voit en vidéo, qui se met la main dans le slob, enfin dans le slip, parce que slob se dit plus. Non. Et qui après nonchalamment se dit personne me voit et sent sa main. Ah, c'est-à-dire qu'il se replace les coucougnettes ou je sais pas, il se gratte et après il va checker son odeur. Quoi, ouais, c'est horrible. Alors tu nous dégoûtes, Joachim. Ah non, un cracraboudin. Pourquoi tu m'appelles? Bah je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Il m'arrive un truc. Vous savez quand vous avez envie d'éternuer mais que ça ne vient pas? Ah oui, c'est l'histoire. Ah ouais. C'est mes allergies là. Je pense que le rhume des foins, tout ça. Mais tu sais que ce qu'il faut regarder, de la lumière, quelque chose de lumineux quoi. Bah là j'essaye, je regarde les lumières du studio et ça ne sort pas. Hein. Retrouve-moi bientôt pour d'autres conseils. Bon, en tout cas cette semaine on vous offre vos enceintes Bluetooth dans le Pourquoi tu m'appelles de Philips, dis donc. Ah c'est des Philips. Oh. Oui. Merci Philips. On joue avec Flavie ce soir. Bonsoir Flavie. Bonsoir Enzo, bonsoir Mario. Bonsoir Flavie. Mario. Ça va ma belle. Bonjour Robert, tu m'appelles. Alors attends, parce que Manon nous met musique italienne. Pourquoi? Alors que moi je pensais à Mario Bros, hein, tu vois, ah, par exemple. Mario l'Italie. Bah Mario l'Italie. Les pizzas. Ah, les pizzas. Ouais. La pizza, la si. La pizza de la mamma. Bon Flavie. Pizza. C'est Marion, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Tu appelles d'où, chérie? J'appelle de Toulouse. Ah ouais, je l'ai senti à ton accent. Hein. Mm. Petit accent très mignon. Merci. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ah, oh, tu fais plus? Ah, oh, merci. Ça se passe comment les révisions, les examens, tout ça? On en est où? Bah, 14 ans, t'as pas d'examen, si? Ah, bah, le brevet, peut-être? Eh oui. Ben non. C'est ah, quand? Non. Bah, là, je suis en quatrième. Ouais, l'année prochaine. Ah, tranquille. Ok, profite de ton année l'année prochaine, ça va être la merde. Tu veux jouer contre qui ce soir ou pourquoi tu m'appelles? Contre Anso. D'accord. Ok, Flavie. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner comme handicap ce soir, Marion? J'en ai aucune idée. Ah, si! Est-ce que tu ferais pas la chaudasse? Ça fait longtemps qu'on l'a pas pire, fait. Ma pire, en plus. Tu vois, draguer la personne qui va décrocher. Même si c'est une nana, tu y vas, tu l'allumes à fond, tu nous fais un Anso. Teste ton pourquoi tu m'appelles. D'accord. Okay. Okay. Flavie, est-ce que tu veux que je commence comme ça? Ça te donnera une idée par rapport au temps? Ouais. Ok, alors bouge pas, petite femme. On appelle au hasard en France. Allô? Allô? Allô? C'est qui? Allô? Allô? Oui, c'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Hein? Pourquoi tu m'appelles? Allô, allô? Attends, je sais pas, c'est toi qui m'appelles. Mais... C'est qui? Mais... Bah écoutez, c'est drôle, mon téléphone vient de sonner, mais je trouve que vous avez une voix charmante, donc peut-être profitons-en pour faire connaissance. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas du garage du lac? Non. C'est pas vous qui m'avez réparé ma voiture? Ah, qui m'avez fait ma vidange et que ça fuit partout? Je crois que... Mais je vous reconnais avec votre rire, là. Je crois que... Je vous ai vidangé. Et en plus, vous marrez. Je vous ai vidangé, effectivement, mais pas la voiture, il me semble. Et en plus, vous foutez de ma poire. Ah non, je me moquerai jamais de vous, évidemment. Mais Vous êtes en train de rigoler comme une baleine, là. Bah écoutez, excusez-moi d'avoir une joie de vivre, certaine. Alors, et vous avez pas l'air d'être en reste, en plus, vous avez l'air de bonne humeur. Ah bah ouais. Vous avez... sauf que j'ai ma bagnole qui fuit de partout, là. Ah bah oui. Je vais passer vous voir demain, vous allez voir. Bah passez me voir demain. Ah ouais. Venez avec tout ce qui est pas de pantalon, tout ça quoi. Avec quoi? Qu'on s'occupe bien de votre vidange. vous avez l'air marrante là. Histoire d'éviter les fuites. Bon et alors? Et bonne voiture, sinon elle a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Votre voiture, elle a pas d'autre problème sinon. Elle n'en avait pas avant que je vous l'amène, mais maintenant elle fuit de partout. Ah ouais, pourtant d'habitude j'arrive à combler les fuites. Ah bah là c'est pas réussi, hein. Je trouve que vous avez un rire hyper sexy. Ah ouais. Ouais. Et c'est comme ça que vous attrapez les clients qui sont mécontents? Vous avez une femme? Mais on parle de voiture là pour l'instant. Là. Et pourquoi tu m'appelles sinon? Non, c'est toi qui m'appelles. Ah, il a raccroché. Oh là là, les gars, c'était lunaire. Non, mais alors toi, surtout, explique aux auditeurs pourquoi t'es parti en fou rire à la première seconde, quoi. Mais je ne sais pas, figure-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, si, j'ai voulu faire la chaudasse, sauf que j'ai fait un bonsoir pas du tout de chaudasse, quoi. J'ai fait un bonsoir d'outre-tombe et je suis parti en fou rire, quoi. Ah, tu m'as fait pleurer de rire. Oh là là, qu'est-ce que j'ai ri. Bon, Flavie, combien de temps j'ai fait, Mano ? 2 minutes 20. Quand même, 2 minutes 20. C'est une blague. Oula, elle est pas contente, Flavie. Bon, Flavie, tu peux y arriver. J'ai le droit de me mettre un petit handicap ? Bah oui, si t'as envie, mais pas à la chaudasse, rapport au fait que t'es 14 ans ? Bah ouais, bah quand même. Alors tu vas faire quoi ? Peut-être une voix plus petite. Ok, et eh ben pas de soucis, tu fais ce que tu veux. Nous, on t'écoute. D'accord, Flavie, bah écoute, c'est parti, on appelle quelqu'un. Est-ce que j'y arrive, mais qu'est-ce que j'y arrive ? Allô ? Allô ? Ouais ? Pourquoi tu m'appelles ? C'est toi qui m'appelles. Ben non, je suis désolée, je viens de recevoir un appel, là, mon téléphone vient d'appeler. Mais t'es complètement malade, toi. Bon, profite-toi. Comment tu t'appelles ? Mais pourquoi tu veux savoir mon prénom, c'est toi ? Tu t'appelles comment, t'es là ? Tu m'appelles, t'es malade ou quoi ? Bon, tu veux savoir, moi je m'appelle Flavie, mais si tu veux savoir, franchement, c'est moi qui viens de recevoir un appel. Bon, je sais pas s'il y a eu un problème ou un truc comme ça, mais en tout cas... Mais t'es en train de me prendre pour un con, là. T'es sérieuse ou quoi ? T'as vu l'heure qu'il est ? Tu crois que j'ai que ça à faire d'appeler des gens en numéro inconnu, en plus ? Toi, tu m'appelles en privé, mais là, t'es complètement... Non, mais déjà, moi, tu me dis pas « oh, oh, oh, oh ». Déjà, moi, je suis pas ton pote. Déjà, tu redescends tout de suite. Moi, je suis pas ton pote. Mec, je viens de recevoir un appel. Alors, s'il te plaît, dis-moi juste qui t'es. Pourquoi tu m'appelles ? Mais c'est toi qui ? Mais c'est toi, t'es qui ? Mais t'es complètement malade. Mais mec, t'as juste à me dire, bah c'est bon, c'est pas grave si t'appelles les gens comme ça. Aïe. Il est parti. Il était pas très content en plus, Flavie, mais c'était pas mal, t'as bien tenu, t'avais comme ça, t'étais bien, t'étais à fond dedans, tu l'as pas lâché, tu lui es rentré dedans. On est fiers de toi. Combien de temps elle a fait, Flavie, Mano, à l'arrière ? 1 minute 05. Et c'était un score qui était pas si mal. Mano, ouais. Il annonce ça comme si il annonçait une terrible nouvelle. Oui, nous sommes sur 1 minute 05. Je suis désolée, nous n'avons rien pu faire. Bon, Bichette, effectivement, c'est perdu. Anso était tombée sur un super bon client, mais t'as été très très bonne. Ok. D'accord, est-ce que tu veux rejouer avec nous d'ici quelques temps ? Ouais, je veux bien. On va faire un pourquoi tu m'appelles de rattrapage avant la fin de l'année, d'accord ? Grave. Ok. On t'embrasse très fort, est-ce ma Flavie. Est-ce que ce serait possible d'avoir le pack Fun le Radio ? Ouais. Oui, bien sûr, on t'envoie ça, ma Flavie. Merci. On t'embrasse. Moi aussi. Bisous. Par contre, est-ce que je peux faire un truc que j'ai pas fait au début de l'émission ? Vas-y. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Voilà, ça c'est fait. Bisous, ma belle. Il y en a assez. Salut. Salut. Anso, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été amoureuse d'un homme en couple ? Ouais, et je le regrette. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas facile. C'est ce qui arrive à Jonathan. Jonathan, il est fou de sa meilleure amie qui est mariée avec un enfant. Donc, déjà passé un truc entre eux, sauf que elle veut pas quitter son mari. Enfin, bref, un vrai schlimblick. Quoi ? Par contre, on dit schmilblick. Ouais. Pas... Non. Puis d'abord, on le dit plus du tout, même en 2016. Ouais, schmilblick. Mais qui a inventé ce mot Coluche. Incroyable ? Coluche. D'accord, référence de Yev. Donc, bon, bref, on parle avec Jonathan juste après. Imani sur Fun Radio, un vrai schlimmick. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, race so much faster. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Marion Henson, c'est le nom du snap de l'émission. Si vous voulez aller voir nos conneries là pendant les coulisses, pendant les disques, tout ça, on se marre bien. Et puis bah c'est le nom de tous nos réseaux sociaux, Marion et Henson partout. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, la chaîne YouTube. Il y a aussi la chaîne Marion et Henson Gaming. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais enfin c'est pas compliqué. Là vous likez tout d'un coup ce soir et après on n'en parle plus. Voilà. Facile quand même. Marion, elle a toujours des bons tuyaux, ça c'est cool. Bah oui. Bon, on a Jonathan avec nous qui nous a appelé de Nancy. Bon bah Jonathan, c'est l'histoire. Jonathan est dans la panade. Oui. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Est-ce que vous êtes content d'être là? On est content d'être là. Jonathan, toi, ton histoire, elle nous a parlé parce que clairement, ça concerne tout le monde. On est tous déjà passés par là. Je te le dis déjà, avant que tu expliques aux auditeurs, t'es pas le seul, raconte-nous qu'est-ce qui t'arrive. Tous. Alors ça fait un peu plus de 6 ans que je connais ma meilleure amie, et ça va faire bientôt précisément 4 ans qu'elle est mariée avec son compagnon, elle a un enfant avec, et le truc c'est que pendant le camp break, pendant 6 mois, il s'est passé quelque chose. Alors, en gros, passé quelque chose, on a couché ensemble, on a une relation pendant 6 mois. Ouais, mais alors attends, Jonathan, tu vas vite là. C'est-à-dire qu'avant qu'elle se mette en couple avec son chéri, est-ce qu'il s'était passé quelque chose, au moins un jeu de séduction entre vous, ou vous avez juste été deux bons potes? D'accord, donc il y a toujours eu ambiguïté. Exact. Ok, donc elle a trouvé un mec de son côté, toi non? Voilà. Ok, et là, ils ont fait un break, c'est ça, dans leur couple, et pendant ce break, t'as couché avec elle? Pendant ce break, après ils se sont remis ensemble, mais du coup ça fait qu'on se voyait toujours. D'accord, donc en fait elle a eu besoin d'un break, elle a été voir un peu ce que ça donnait avec toi, et après finalement elle a décidé de rester avec son mari. Exactement, malgré qu'il y avait énormément de sentiments des deux côtés. Mais il est pas au courant son mari quand même? Il a eu au courant juste qu'il y a eu un flirt en plus, quoi, mais pas le reste. Et il a réagi comment? Mal, du coup on a plus question, trop de contact. Ouais, donc du coup tu peux plus la voir en sa présence et tout ça, j'imagine. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, elle a fait son choix, c'est définitif, ou vraiment, elle te dit encore qu'elle a des sentiments pour toi, que c'est dur? Elle m'a dit un peu qu'elle avait toujours des sentiments, mais qu'elle préfère rester avec, qu'elle allait plus loin. Ben oui, mais tu sais, à partir du moment où il y a des enfants en jeu, c'est très compliqué hein, de casser un mariage, un couple. Faut quand même avoir les couilles, et il y a peu de gens qui arrivent, quoi. Ouais. C'est hyper chaud, et moi, je la comprends un peu. Elle a construit un truc, elle veut sauver son mariage, elle a un enfant qui doit être jeune, tu vois? Mais du coup, Jonathan, vous voyez en cachette? Lui et non, on va dire. Lui, parce qu'il n'est pas au courant, donc du coup, ouais. Mais vous couchez ensemble encore ou pas? Non, du tout. D'accord, ouais. Et toi, tu peux pas du tout. Attention. C'est pas grave, on dirait que c'est la soirée. On me fait signe que la personne bug. Tu peux pas passer à autre chose, toi, Jonathan? Compliqué. J'ai toujours dans la tête, quoi. Ouais, je sais. Mais alors, tu sais, dans ton cas, il n'y a pas 36 solutions, il faut une coupure nette. Hein. Tu peux pas rester le bon pote comme ça, qui la voit en cachette, tu ne pourras jamais passer à autre chose. Les sentiments sont là, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu les entretiens. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut se faire vraiment violence et il faut se dire, bon, je pars, je sors de son champ de vision. Il y a deux solutions. Soit le manque va être tellement fort pour elle qu'elle va se dire, non, bah tant pis, je quitte mon mari. Soit toi, tu vas t'habituer aussi à rencontrer d'autres gens et tu vas t'habituer au manque et tu vas passer à autre chose. Mais là, en restant dans cette situation, ça va durer des années. C'est sûr. Ah, mais le truc, c'est qu'on se parle quand même, quand on arrive à se parler, et quand je lui parle pas, genre pendant une semaine ou deux, ça lui fait grave chier, quoi. Eh ben ouais, mais là, elle est dans une situation hyper confortable, t'imagines? Et toi, ça te fait pas chier? C'est-à-dire que, voilà, ouais, il faut faire des choix dans la vie aussi, tu vois. Donc ouais, c'est sûr, mais bon, après, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Du coup, elle a quand même failli énormément, mais dangereusement, qu'elle a quitté son mari, quoi. Ouais, mais Jonathan, c'est pas le cas. Donc, de toute façon, tu n'as pas 10 000 solutions. Marion a raison. Il faut que ce soit radical. Pour passer à autre chose, Jonathan, il faut que tu coupes complètement les ponts. Hein. Ou pour lui faire un électrochoc. Il y a deux options. Il faut que tu t'éloignes. Ouais. C'est obligatoire. Malheureusement, j'ai bien peur que l'électrochoc ne fonctionne pas. Hein, ouais, ça dépend. Dur. Ça dépend. Si elle se dit, merde, je le perds, merde, il construit quelque chose avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de gâcher ma vie. Ça peut le faire, mais voilà. On veut pas te donner de l'espoir, mais en tout cas, rester comme ça, entre deux eaux, là, la voir, pas la voir, lui envoyer des messages d'amour, tout ça, c'est une connerie. D'accord. Puis Jonathan, et t'as 26 ans, Bichon, il faut que tu profites toi aussi. T'as le droit de tomber amoureux de quelqu'un qui est seul et libre. Il faut vraiment que tu penses à toi, uniquement à toi. Hein, cela dit. Oh, j'ai invité Marion à boire un coup alors. Ouais, y a pas de souci. Moi, si je peux t'aider et boire un coup avec toi, c'est avec plaisir. Ouais, enfin, Marion, boire un coup entre guillemets. Hein. Bah quoi, on ouais, peut bah discuter. Ouais, j'ai pas, y a pas d'arrière-pensée. Voilà, ouais, genre, vous connaissez, vous les garçons. Non, mais après, tu sais, nous on dit ça, là, on balance nos conseils, mais on est passé par là et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis tombée aussi amoureuse d'un mec qui était en couple et j'ai réussi à l'avoir. C'est-à-dire que j'ai tout donné, il a fini par larguer sa meuf. Il n'y avait pas d'enfant et de mariage en jeu, donc c'était un peu plus facile. Ouais. Et figure-toi que je l'ai largué après à mon tour. Oh la garce. Bah ouais, je sais, il avait tout perdu le pauvre, mais après, ça c'est la vie. Hein. Mais en fait, parfois c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, Jonathan, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que tu fantasmes une histoire parce qu'elle est impossible. Oui. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que quand tu l'as, la personne, eh ben, c'est pas si kiffant que ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est possible. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois de tomber amoureuse d'un garçon avec qui j'ai eu une aventure pendant très longtemps, qui est toujours resté avec sa femme, qui est toujours avec d'ailleurs, oui. Et avec qui il a eu des enfants maintenant. Et j'ai tellement souffert que, ben, tu vois, maintenant c'est fini quoi. Le mec a une nana, je n'y vais plus. Ah, c'est foutu. Bon, ce qu'on va faire, Jonathan, on va demander quand même leur avis aux auditeurs. Là, peut-être qu'ils ont des conseils pour toi différents des nôtres. Mmh. 01 42 48 5000, numéro gratuit. Si vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un en couple, donc si vous avez réussi soit à passer à autre chose, soit à l'avoir, parce que c'est ce qui l'intéresse, appelez-nous. Ouais. Il a besoin de vous. Et nous, Jonathan, tu as notre conseil. On te dit, mets de la distance, pars, laisse-la réfléchir, fais ta vie. Mais on a quand même trouvé des solutions, ou en tout cas des conseils pour réussir à détourner une personne en couple. Bah, c'est bien. Je te les donne. Ouais, mais dans le cas de Jonathan, je pense que c'est pas forcément la meilleure solution, mais ça peut aider d'autres gens. Exactement. Tu vois, quand il n'y a pas de mariage, pas d'enfant, tout ça, où c'est un peu plus facile. Voilà, on fait du détournement d'humain. Première chose, ne pas parler de son ou sa partenaire, ne jamais la dénigrer. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller dire, ouais, mais ta meuf, elle est comme ci, elle est comme ça. Ça va faire l'effet inverse. Exactement. Ouais. On se met pas dans cette position. Deuxième chose, passer du temps avec. C'est-à-dire se rendre un peu indispensable, tu vois, être à l'écoute, passer du temps avec, c'est important. Toujours là, ouais. Repérer les manques qu'il y a dans son couple et lui proposer subtilement de les combler. Je trouve que tu sors pas assez, viens, on va s'aérer la tête, tu vois. Mais vraiment sans mettre l'autre en porte-à-faux en disant que c'est une merde, quoi. Ne surtout pas rentrer dans la friend zone. En temps normal, là, il faut pas, mais là, c'est pire. C'est-à-dire que si c'est trop, on se confie et tout, là, c'est mort. Faut pas rentrer trop dans le problème du couple et tout ça. Ne pas y aller comme un bourrin, faut laisser le temps. Priver la personne de son conjoint, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, en proposant des sorties voilà, ou autre chose à laquelle le conjoint ne peut pas participer. Tu voilà, vois c'est ça, par exemple, 2 ou 3 mois dans le désert. C'est quelque chose de pratique à proposer. Non, mais c'est des petits conseils, mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, s'il n'y a pas de mariage en jeu, que vous êtes vraiment accro et que vous vous dites « je veux ce mec, je vais tout tenter », vous pouvez tenter ça. Ouais. Voilà, tenter le tout pour le tout. Plus important pour moi, c'est de pas dénigrer le. Voilà, sinon vous passez pour un aigri, c'est toujours mauvais. Hein. Exactement, je suis d'accord avec toi, Marion. Mais t'es vraiment une femme, mais d'une intelligence rare. Hein. C'est toi. Jonathan, il y a du monde pour toi au standard. T'es prêt ? Il y a pas de souci. Il y a Théo de Toulouse. Bonsoir Théo. Bonsoir. Ça va Théo ? Ça va, très bien. Alors Théo, est-ce que toi tu as déjà vécu ça, être amoureux comme ça d'une nana en couple ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Comment ça s'est passé ? Et elle était mariée en plus. Oula. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, moi, je ne le savais pas au début. Je l'ai rencontrée dans une soirée. Son mari n'était pas avec elle. Mmh. Et puis, voilà, il y a eu rapprochement, etc. Et puis, on s'est mis en couple. Mais on se voyait que le week-end, parce que moi, je suis professeur au lycée la semaine. Et donc, du coup, j'ai pas du tout le temps de... Et puis, on n'habitait pas forcément à côté. Et on se voyait que le week-end, comme par hasard, elle n'était pas avec son mari. Donc du coup, je ne savais pas qu'elle était en couple pendant 2 mois et demi. Ah ouais. D'accord, elle t'avait menti. Voilà, c'est ça. Et au bout de 2 mois et demi, ben, je l'ai su. Et bon, je l'ai accepté parce que je l'aimais. Bon, je ne l'ai pas... Je l'ai quand même accepté, quoi. Ouais, donc t'as été l'amant secret, quoi. Et ensuite, au bout d'un moment, j'en pouvais plus et je lui demandais de faire un choix. Et du coup, ben, elle a fait son choix. Qui était ? Eh ben, c'était moi, mais elle voulait pas quitter son mari. Bah, elle est marrante, elle a pas choisi, quoi. Non, mais ça, c'est, alors, ça, et c'est pareil, vous, auditeurs de fun, là, si vous êtes, vous tombez amoureux de quelqu'un qui est en couple, un mec ou une meuf, mais s'il veut le beurre et l'argent du beurre, mais faut fuir, quoi. Ah, c'est trop facile, quoi. Ouais, elle a fait son choix, mais elle a pas quitté son mari, donc elle n'a pas fait de choix. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça a duré combien de temps? Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Bravo. Bravo, Théo. Bravo, mon pote. Hein. Ça, c'est voilà, un mec avec du caractère. Ah, et avec c'est des couilles. Un bon fromage. Ah, ouais, non, mais franchement, t'as bien fait. Parce que ça, c'est pas possible de dire ça. Au bout d'un moment, on peut se tromper, tu vois, faire les mauvais choix, regretter, revenir. Mais tu profites pas de deux personnes en même temps. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Théo, tu as fait le bon choix. Nous sommes fiers de toi. Tiens haut la tête. On t'embrasse. Bisous. Salut. Bisous. Théo. Il y a Marine aussi à Verdun. Bonsoir Mélanie. Pardon, Mélanie. Rien à voir, hein. Non. J'ai lu vite. Ça va, Mélanie? Bonsoir les filles. Bonsoir à toute l'équipe. Salut Mélanie. Alors, raconte-nous, Mel, est-ce que toi aussi t'as été amoureuse comme ça d'un mec maqué? Oui, et je le suis encore. Ah. En fait, ça fait 2 ans que ça dure. Il est marié. Il a un petit garçon de 4 ans. Mm-hmm. Et ça se passe très bien avec lui comme avec son fils, parce que du coup on s'est déjà vu. Mais il n'est pas prêt à quitter sa femme pour l'instant. Il m'a demandé de patienter. Alors c'est ce que je fais, mais c'est long. Bah ouais, c'est long. Et est-ce que t'es sûre qu'il va le faire un jour, quoi? Bah je sais pas. Parce qu'en y pensant, il n'y a pas de meilleur moment pour un enfant pour quitter sa mère. Bah oui. Donc j'imagine que si, quand il a 15-20 ans. Donc c'est dans très longtemps, donc c'est pas possible, je me vois pas continuer ma vie comme ça, mais je me vois pas le quitter non plus. Ouais, mais donc, résultat, t'es malheureuse depuis 4 ans, tu prends ce que t'as à prendre, tu prends les restes, quoi. Et voilà, après, chacun son choix, il y a des gens qui trouvent leur compte là-dedans, mais juste fais attention à toi, parce que ça peut durer encore des années, et tu vas peut-être passer à côté d'autres histoires. Exactement. Qui pourraient te combler, quoi. Puis c'est ça, puis t'imagines, Mélanie, pour lui, il se dit, mais de toute façon, on s'en fout, Mélanie, elle accepte tout, donc... Ouais, elle attend. Elle attend, donc il y a aucun problème, tu vois. Bah, je sais bien, mais j'arrive pas. Bah, je sais, Mélanie. J'ai déjà essayé d'arrêter de le contacter, mais dès qu'il m'envoie un message, bah, c'est comme le coup de foot des premiers jours. Bah, je peux plus, je suis une enfant, je peux pas dire non. Ouais, je comprends. Bon, essaye quand même de réfléchir à tout ça et surtout de trouver un peu de motivation parce que c'est pas la bonne solution. Mélanie, on t'encourage, on est avec toi, on t'embrasse, t'es notre championne. Allez! Merci beaucoup. Allez, bisous, bisous. Bisous, Mélanie. Bon, et du coup, Jonathan, on n'a pas beaucoup de conseils à te donner. Hein. Nous, on t'a dit, je sais que c'est très difficile, attention. Ouais, mais... donc aller de l'avant, quoi. Et puis, mets de la distance, protège-toi. Et voilà, si elle a fait son choix aujourd'hui, il faut qu'elle l'assume. Et voilà, quitte à ce qu'elle regrette et qu'elle revienne vers toi, après, tu seras prêt à la reprendre ou pas. Ça, c'est toi qui vois. Mais voilà, nous, on te conseille de mettre de la distance et d'essayer de passer à autre chose, ok? D'accord. Et pas de soucis pour aller boire un verre si tu passes par Paris. Tu me dis, je suis là. Hein. Voilà, on t'en laisse. Autant passer à ce pays, voilà. Eh bah ouais, viens au studio nous voir, ce sera cool. Alors moi, je n'ai rien compris personnellement à cette phrase, mais je suis d'accord avec toi, Jonathan. Je parlais un peu trop vite, je disais de passer au studio. C'est quand tu veux, bichon. Pas de problème, on t'en laisse, on t'en va des câlins. Oui, bien sûr. D'accord, alors une petite dédicace à Mike le Nîmois qui m'entend. T'inquiète, Nancy, on va gagner à Paris. Et deuxièmement, ma petite sœur qui est enceinte d'une petite Lou Yana. Okay. Oh, bisous, On embrasse tout le monde. Bisous, Jonathan. Bisous. Ciao, ciao. Bon, restez avec nous sur Fun Radio, puisque dans un instant, c'est Je te demande pardon qui va débarquer. Vous gagnez vos Sony Xperia M5. En plus, ça, c'est du beau cadeau. Et puis, notre morceau, enfin, Marion. Ah oui. Ah, Ken Jones, Etna Konnichiwa. Etna Konnichiwa. Don't mind sur Fun Radio. And telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. Si vous êtes en pleine révision, là, vous écoutez Marion et Anso, le Night Show. Alors, il paraît, ça a été scientifiquement prouvé. Il y a eu des études qui ont été faites que d'écouter Marion et Anso Night Show, ça donne des mentions. À tour de bras, la mention. Ah, carrément. On n'est même pas sur l'examen, on est sur la mention. Exactement. Et que je te donne du bien, et que je te donne du passable, et que je te donne du ne peut mieux faire. Ça n'existe pas, par exemple. Assez bien, bien ou très bien. Bon, en tout cas, bon courage si vous révisez. On est là pour vous faire marrer en direct jusqu'à minuit. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Je te demande pas. Cadeau de ouf dans le chemin de pardon puisque vous gagnez votre smartphone Sony Xperia M5. C'est de la super cam ce téléphone et c'est à l'occasion de la Soch Freestyle Cup. Ce sera du 21 au 26 juin, plage Borély à Marseille. Avec qui? Avec Fun Radio. Non, j'aimerais trop l'avoir ce téléphone. Eh bien, tu ne l'auras pas. Mais on peut pas essayer. Amir, pourquoi on n'a jamais rien, nous? Bah, je sais pas. De quoi? Est-ce que vraiment tu veux cette discussion en direct à l'antenne? Oui, parce que je me dis pour vendre un téléphone, ce serait bien de l'avoir en main propre. C'est vrai en plus. C'est comme si on dit tiens, on fait gagner une Fiat Punto. Mais on peut pas la vendre si on l'a même pas essayé. Non, mais surtout que la Fiat Punto n'existe pas. La Fiat Punto, en revanche, oui. Oui, mais enfin, vous avez compris quoi. Ouais. Bah écoute, essaie de nous dire ça, on sait jamais. Je sais pas si cet argument est recevable. Je vais demander à Monsieur Xperia. D'accord. C'est Rima qui est avec nous ce soir. Bonsoir Rima. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir les filles. Salut Marion. Ça va Rima? Oui, ça va et vous? Ouais, très bien. Ça te ferait plaisir d'avoir le téléphone, toi? Ah oui, franchement, oui. J'aimerais bien. Est-ce que tu pourras nous le prêter éventuellement pour qu'on l'essaye? Bien sûr. Tu veux t'excuser auprès de qui, Rima? Alors, auprès de ma copine qui s'appelle Manon, qui est avec moi, en fait, à la fac de psycho. Mm-hmm. J'ai emprunté son ordinateur pour parce qu'en fait, le mien s'est cassé. Et par malchance, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai supprimé son mémoire. Mais non. Si, je vous jure. Je sais pas comment j'ai fait. Et du coup, je voulais. Non, mais attends. Excuse-moi, elle l'a forcément enregistré. Donc ça veut dire que toi, t'as fait la démarche de faire supprimer, confirmer tout ça. Tu sais vraiment pas comment t'as fait. Non, pas du tout, vraiment pas. C'est un bug. Je sais pas. Je pense que oui, c'est un bug, mais du coup, je ne sais pas comment remettre vraiment. Enfin, je sais pas comment faire, mais vraiment. Donc, d'accord. Bon, et elle ne sait pas, et je ne sais pas comment lui dire. Mais j'espère qu'elle a fait un double quand même. On parle d'un mémoire là, c'est juste un travail de malade. Ouais, mais pas moyen de récupérer des données qu'on efface. Ça nous est arrivé nous dans l'équipe aussi, les dossiers, non? Ouais, c'est vrai. Moi j'ai un ami informaticien qui j'ai demandé, mais il m'a dit que non, c'était pas possible parce qu'à partir du moment où c'est supprimé, c'est vraiment supprimé. Ouais. D'accord, mais là elle est au courant de ça ou tu vas devoir lui annoncer? Non, elle n'est pas au courant. Non, je lui annonce. Bon, c'est une catastrophe. D'accord. Bon, bon courage à toi. Hein. Merci. Bon courage, parce que nous, on a connu ça, je peux dire, c'est une belle galère. Ouais. Oui, je sais bien, mais je sais. Il faut que vous m'aidiez, en fait, vraiment, parce que là. Bon, c'est parti, Manon. Non, c'est Rima. On est avec toi. Non, mais c'est parti, on appelle Manon, je veux dire. Ah. Ça va, l'erreur est humaine. Hein, je ne suis pas un robot. Oui. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ben oui. Oui, tu fais quoi de beau? Ben rien, je suis à la maison et toi? Oh, ben pareil. Hein. En fait, je voulais t'appeler parce qu'il m'est arrivé une galère. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'as prêté ton ordinateur. Ouais. Et le problème, c'est que tu vois ton mémoire? Ouais. Et en fait, je l'ai supprimé sans faire exprès. Arrête. Je te jure, maintenant, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, je crois qu'il y a eu un bug. Enfin, franchement, je sais pas maintenant. Je suis vraiment désolée, sachant qu'on mais t'arrives pas à le retrouver, rien du tout? Non, pas du tout. Vraiment. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment le faire revenir comme c'était. Je sais pas, en fait, le fichier n'existe plus dans l'ordinateur. J'ai essayé par tous les moyens de le rechercher, de le trouver dans la corbeille, dans tout. Et il n'y est pas. Dois le rendre pour le 20. Je sais, mais t'as pas fait une sauvegarde sur une clé USB par hasard? Bah non. Oh putain, maintenant, t'es dans la merde. Eh non, mais Rima... Je suis dans la galère, là. Je sais, mais franchement, je sais pas comment me faire pardonner. Je sais vraiment pas. Je suis désolée, mais maintenant. Je m'en bats les couilles, hein. Tu vas m'aider. Enfin, on va trouver une solution, hein. Bah oui, je sais bien, mais je sais pas comment le faire revenir comme c'était. Je sais pas comment faire revenir le fichier. Comment t'as fait pour Je ne sais pas, c'est ton imprimé qui a bugué. Je ne sais pas, je te dis. C'est l'ordi qui a bugué tout seul. Parce que normalement, lorsque tu supprimes, il faut que tu confirmes que tu supprimes et après, il faut vider la corbeille pour que réellement le fichier parte. Mais là, j'ai rien fait de tout ça et le fichier n'y est plus. Je fais comment, moi, pour le rendre pour le vin, en fait? Je sais pas. Je suis vraiment désolée maintenant. Eh mais je m'en fous que tu sois désolée, mais je fais comment, moi? Mais si tu veux, je t'aiderai, mais sincèrement, mais je peux pas le faire. C'est impardonnable, en fait. Je suis comment, moi? Mais je sais pas. Je peux t'aider, mais après, en 10 jours, ça va être un peu tendu pour le rendre. Mais bien sûr, c'est impossible en 10 jours. J'ai mis des mois pour le faire. Mais je sais bien. On l'a fait ensemble d'un côté. Je sais que ça met du temps à se faire, mais là, je peux pas t'aider. Enfin, je peux pas le faire revenir en arrière. Je suis vraiment désolée, maintenant. Je suis désolée. Vraiment pas sur ce coup-là, tu vois. L'ordinateur, je te le ramènerai. Tu verras par toi-même si peut-être que toi, tu vas réussir. Mais vas-y, moi, t'as tout, vas-y, c'est bon, vas-y. Aïe. Je suis vraiment désolée. Oula. Elle est partie, hein. Elle est partie, ça. Rima. Oh mince. Bah ouais, mais en même temps, je trouve que tu as pas mis beaucoup de sincérité. Hein. Bah oui. Je suis vraiment désolée. Bah, si. Non, chérie, attends, t'imagines le travail que tu viens de foutre en l'air? Bah, d'un côté, je comprends parce qu'on l'a fait ensemble. C'est ça le pire, c'est bon. Que le mémoire, on l'a fait ensemble. On va essayer de la rappeler pour rattraper le coup. On va voir ce que ça nous donne avec Anso et moi. Mais ça pue cette histoire. Hein. C'est parti, on rappelle Manon. Bah oui, je sais bien. Moi, je serais furieuse. Enfin, remarque, moi, à part un contrôle de maths, j'ai pas eu à rendre bon grand chose dans ma vie. J'aurais pété un fond à la place de Manon. C'est compliqué. Tout ce travail. Je sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est mort. Vous allez pas réussir, les filles. Allez, décroche, alors, Manon. On est sur un problème, Rima, parce que Manon ne répond plus. Ah. On retente quand même de la rappeler, hein. Oh là là. Ah bah ouais, mais là, t'as cherché, hein, ma belle. Pauvre, comment on la défonce. Ouais. Franchement, ça arrive à rien, tout ça. Oh, arrête. Ah. Tu as déjà fait. Pas possible. En fait, Rima, c'est Neverland de Marie. Amir aussi. Oh là là. Amir. Bon, elle répond pas. Je pense qu'elle est chanchon. Ça se comprend, là. C'est le choc. Ouais. Alors, comment il va on fait falloir dans ces que... cas, parce qu'on a toujours réussi à avoir la personne. Bah là, on peut plus aider Rima. Il va falloir que tu l'envoies des petits SMS, que tu règles ça de ton côté. Pour le cadeau, je sais pas comment on fait non plus, parce que là, c'est une catastrophe. C'est vrai. Bah, c'est mort. Hein. Bah si, on peut lui offrir pour qu'elle tente de l'offrir à sa copine et de rattraper le coup, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut lui offrir. Hein. Et comme ça, elle va essayer d'acheter son prof à la place du mémoire et de lui offrir le Xperia. Voilà, au moins pour le courage d'avoir fait ça à l'antenne de Fun et pour aussi lui donner le courage de sauver son amitié. Oh, bon, on merci, t'offre le Sony Xperia. C'est gagné, allez hop. Merci. Oh, merci, vous êtes top, franchement, vous êtes top. Merci beaucoup. Par contre, Rima, tu gagnes un téléphone, mais là, t'es en train de perdre une amie quand même. C'est ça le problème. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu nous tiennes absolument au courant. C'est-à-dire que là, je pense que tu vas lui envoyer des textos, essayer d'arranger le truc. On veut des nouvelles rapidement, d'accord? Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Et prends le téléphone et filme sa réaction quand tu vas la voir avec. Arrête. Comme ça, bim, on fait le buzz et on en a rien à foutre de ton histoire. En plus, le Xperia, il filme super bien. Ok. Bon, fais la chialer. Horrible. Rima, bon courage, tu nous tiens au courant et si on peut faire quoi que ce soit, tu nous appelles, d'accord? D'accord, merci beaucoup, vous êtes bisous. Au top, merci bien, bisous. Bon, si comme Rima, vous voulez vous faire pardonner de quelque chose, n'hésitez pas, Marion et anso@funradio.fr. J'espère qu'on va avoir des nouvelles avant minuit, ce serait bien parce que, quand même, c'est compliqué cette histoire. Ah, moi, je suis folle d'inquiétude, il y a mes plaques qui me reprennent. Hein. Et puis là, j'ai l'impression d'avoir échoué dans ma mission, tu vois, je me sens pas bien. Moi non plus. Il y a une mission dans laquelle on échoue jamais avec Anso, c'est le cul. Évidemment, les toujours là quand il faut. L'instant Yonf débarque dans un instant, on va parler sextoys connect. On a trouvé les trucs les plus ouf en la matière. On en parle juste après Benny Benassi sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up. Let go, let go, let go. In the h 47, ça y est, on va parler que dans le night show avec les tout derniers sextoys connectés. Ouais. Anso, toi, t'en as trouvé un, moi aussi, mais alors on va commencer avec le pyjama, c'est ça? Ouais, c'est un pyjama connecté qui fait des miracles. Alors c'est Jackie et Michel qui ont lancé ça. Ah bah, donc tiens. C'est un faux truc. En gros, il y a des capteurs dans le pantalon qui permettent de stimuler en fait l'érection matinale des garçons. D'accord. Et à partir de l'érection matinale, ça donne un accès illimité pendant 24 heures à n'importe quel contenu payant du site. Donc c'est une grosse vanne, mais c'est hyper drôle. Ah, donc ça stimule pas vraiment? Bah, ça stimule un peu, puisque du coup, t'as automatiquement une érection matinale, quoi. Hein, c'est un peu ça. Ah, bah, c'est bien pensé, dis donc, Jackie. Oh, bah, merci, Jackie Michel. Allez, appelez-nous, là, 01 42 48 5000. Quel sextoys vous aimeriez bien inventer si c'était possible? On en parle dans un instant. Hey guys, the radio of Kygo is Fun Radio. Aujourd'hui, vous les entendez partout. La première fois, c'était sur Fun Radio. Martin Garrix. Imani. Blow up the fire. Don't be so shy. Alright. Era Istrefi. La radio où démarrent tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Yeah, live all night, all summer. I paint pics so bright, so colored. On Instagram, I don't like no other. So baby, why you don't write, don't holler. Let's have a show and get loose, get wavy. Cause we ain't sipping on the juice that they be. Guess you want me to Marouche. Party with my troops, switch the Rari to the coupe. Skinny mansion, we can party on my roof. Oh, and it's a new year, up 90. New spring, summer, no money. New car queen, said she went clever in her class. First time she got a scar, and now she wanna F somebody. And I just smashed the record with my 7th number one. I was praying for a time when I thought it would never come. And now I'm like no other. I'm sitting pretty high with my Stone Cold Stunner, yeah. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. And lush life giving me rush. Had one chance to make me blush. Second time was one too late. Radio. Ouais, 23h52, on parle sex toys connectés. Je vais vous dire mon petit chouchou à moi. Vas-y. Alors, ça vaut quand même 99€ l'histoire. C'est de la marque Little Bird. En gros, ça surfe sur la mode de la littérature érotique. Je t'explique. Le principe est simple. Selon les séquences lues, l'engin en Bluetooth va vibrer plus ou moins fort entre les cuisses de la dame. C'est-à-dire que tu lis ton bouquin, au moment où ça commence à être chaud, l'engin vibre au niveau du clitoris. Et donc voilà, après ça se calme. Et dès que ça redevient chaud, ça vibre. C'est vachement bien ça, ah comme ouais délire à deux hein. Bah, c'est hyper bien pensé, ou même quand comme délire toute seule justement. Après voilà, c'est 100 balles, c'est un peu compliqué. Je sais pas du tout à quoi ressemble par contre le vibro. Mais je trouve l'idée mortelle. Bah, ça doit être comme les petits œufs là, les trucs qui vibrent là, les D-fingers là, tout ça. Exactement, dans un délire un petit peu moins glamour, il y a une caméra. Alors c'est imprononçable, ça s'appelle Svacom Gaga Camera Vibrator. En gros, c'est muni d'une caméra qui permet de filmer l'orgasme de l'intérieur. Ah, alors ça, c'est le côté plus scientifique. Ou pour se marrer avec son mec. Mais ouais, c'est un dos. Il est dans le vibro, quoi. Ouais, t'as une caméra, donc tu te masturbes. Et là, bah, tu vois tout après sur ton téléphone. Je trouve ça assez cool, quand même. Ouais, mais c'est un peu bizarre, quand même. Hein. C'est un peu bizarre, mais tu vois bah, comment ça marche et comment ça se passe pendant que t'as un orgasme. Et il y a un côté, je sais pas, il y a un côté, moi, j'aimerais bien voir. Voilà. Ouais, bon, remarque, pourquoi pas. Filmez-vous, hein, si vous achetez le dos. T'en as trouvé toi aussi ? Ouais, moi j'ai trouvé un truc qui s'appelle SexFit. Ça évalue en fait les performances sexuelles du mec et c'est censé accroître tes performances sexuelles. Un peu comme une appli de sport par exemple. Oui. Sauf que là c'est un vrai sextoy et qui t'aide à contrôler la vitesse, la durée, tout ça, les allers-retours effectués. Et tu peux même partager tes performances sur les réseaux sociaux. Voilà, d'accord. Alors, j'imagine très bien ton pote qui met à poster son truc sexuel de sa baisse de la veille, c'est un peu chelou. Et alors, dans un autre registre, mais là, pour moi, c'est le top du top. Dans un hôtel de Vegas, il y a des chambres qui ont été équipées avec des casques de réalité virtuelle qui diffusent du porno. Ah oui, c'est chou. La réalité virtuelle, on a déjà testé avec Anso, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'on se croit vraiment dans le dos. Et là, bah, du coup, t'es dans un film porno à Las Vegas, quand même. C'est pas un kiff. Ouais, tu payes ta chambre et puis, bah, tu te fais kiffer comme ça. Voilà, c'est tout ce qui se fait de nouveau en matière de sex toys. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous appelez le standard, on vous donne tout ce qui est référence, tout ça, quoi. Voilà, mais il y a des sextoys qui sont quand même pas donnés, hein, franchement. Hein. Mais les sextoys, c'est hyper cher, hein. Même les classiques. Hein. Ouais, le Rabbit, il est à 120 balles, je crois. Ah, tu l'aimes, ton Rabbit, hein. Bah non, mais bon, c'est le plus connu, tu vois, donc c'est le plus accessible, et pourtant, il est cher. Mais du coup, on se posait cette question-là. Appelez-nous 01 42 48 5000. Des sextoys que vous voudriez qu'on invente, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Marion, toi, ce serait quoi, par exemple? Moi, tout simple, j'ai pensé à un sextoy bouche qui pourrait faire une fellation au mec de manière hyper réaliste. Comme ça, quand toi, t'as la flemme, tu peux te reposer. C'est-à-dire qu'à la bouche, tu l'actives, elle s'occupe de ton mec et toi, t'es tranquille, tu vois. Mais c'est horrible pour ton mec. Bah, si c'est les mêmes sensations. Ouais, mais bon, tu dis à ton mec, donc toi, t'es posé devant la télé en train de bouffer un sandwich pendant que l'autre se fait sucer par une machine, quoi. Ouais, mais pense aux mecs célibataires qui peuvent pas se faire sucer. Ah, là, ouais. Franchement. Là, c'est pas mal. Archi stylé, t'as pensé à quoi, toi? Là, j'ai dit oui. Moi, j'ai pensé à un truc hyper réaliste qui ferait des super cunis, quoi. Bah, oui. Génial, quoi. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est à utiliser seul, quoi. Sinon, c'est un peu chelou avec ton mec à côté. Ouais, c'est un peu bizarre, j'avoue. Ouais, d'accord. Mano Alaria, tu penseras à quoi, toi, comme sextoy inventé? Et bah, moi, j'avoue qu'un sextoy qui fait des fellations, c'est pas mal parce que du coup, ça libère les mains. Hein, genre, quand tu te branles et tout, ça y est. mais libérer pour faire quoi? Bah, je sais pas, te naviguer sur YouPorn, tu vois. Au moins, tu peux faire Ah, remarque, c'est pas bête. Mais t'as vu, c'est fou comme direct, on pense à la fellation, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les sextoys, c'est pas fait que pour ça, normalement. Enfin, même pas mais du c'est tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sextoys qui sont faits pour ça, quoi. Non. Parce que nous, on a les petits trucs vibrants pour le clito, on a les sextoys pour le vagin, mais ça n'existe pas vraiment. Et vous, les garçons, vous avez les vaginettes, mais c'est pas du tout la même sensation qu'une bouche, quoi. J'aimerais tellement essayer, moi. Le mot vaginette, c'est vraiment horrible. Ouais, mais j'aimerais bien essayer. Bah, essaye, hein, c'est pas très cher dans le commerce. Écoute, fais-toi un petit kiff, Amir. Hein. Pas de soucis. Oh, il y a Océane de Lyon là, qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Océane. Bonsoir à toute l'équipe, vous allez bien? Oui, et toi? Ça va, merci. Bon, alors dis-nous, quel sextoy tu aimerais bien inventer, toi, si c'était possible? Alors, moi, ça serait un style de tampon, parce que c'est discret et à la fois, pour toutes les femmes qui ont l'habitude, confortable. Ça serait un sextoy qu'on pourrait un genre de tampon sextoy qu'on pourrait contrôler aussi à distance, qui ferait des va-et-vient et qui vibrerait. Mais ça existe, ça, non? Attends, mais j'ai vu un truc, un sextoy qui ressemble à ça, ça s'appelle le Blue Motion. Ouais, je crois que ça existe. Je connais pas. Ça, c'est super bien si t'es en couple et que ton mec est à distance, par exemple, parce que ça se gère vraiment de très longues distances. Où ton mec peut faire vibrer l'œuf, en fait. Mais ça existe déjà sans être réellement à distance. Ouais, et c'est pas vraiment. Je vois ce qu'elle veut dire quand elle parle d'une forme tampon. C'est vrai que là, c'est rond, parce que tu parles d'un truc un peu. Ouais, c'est un peu gros. C'est un peu gros. Oui, oui, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça, on va y venir parce que c'est tout à fait faisable à inventer, ça. Enfin, forme tampon, tu sens quand même pas grand chose, Océane, non? Oh, ça va. Après, il y a plus gros, enfin, plusieurs sortes de tailles aussi. Ouais. Ouais, mais attends, si c'est un truc énorme, tu peux pas l'emmener partout, Anso. Elle voit que des trucs énormes, elle. C'est vrai. Mais non. Bah non, mais t'es marrante, toi. Comment mais tu non. fais mais au je restaurant sais pas, je pense au mini tampon, c'est quand même pas pratique, c'est nul. Ouais, mais c'est juste pour le côté excitant. Bon, ok, Océane, on te le prend. Marion, on te le prend, ça marche. Oui. On t'embrasse, Océane. Gros bisous. Bisous à toi. Je peux passer une dédie, s'il vous plaît? Vas-y. Alors, je passe une dédie à Johan dans le sud, à tous mes amis dans le sud, à un ami à moi de Toulouse, à ma meilleure amie Johanna et à mon chéri que j'aime fort. Ok, on embrasse tout le monde à Toulouse. Au revoir. Bisous, Océane. Bisous. Étienne aussi à Tourcoing. Bonsoir, Étienne. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe, vous allez bien? Oui, ça va, et toi, Étienne? Ça va super, ça va super. Allez, on t'écoute pour ton invention. Alors, moi, c'est une invention, bon, elle vous sera pas utile ou alors vous nous cachez quelque chose, mais ce sera un caleçon qui vibrerait au niveau des couilles. Un voilà. caleçon qui vibrerait au niveau des couilles, pas ouais. mal. Eh ouais, écoute, génial, moi, les gars. En tout cas, vu le petit cri de Mano, j'ai l'impression que ça fait plaisir. Ouais, mais il y a plein de mecs qui aiment pas qu'on leur touche les couilles. C'est vrai? Ah bah ouais, c'est hyper sensible. Moi j'aime pas, moi. Moi j'aime bien. Non mais faut pas y aller comme des bourrins. Ouais, mais même quand t'es Mano. Fleur. Ouais, ça va. Hein. Elle fait comment ta meuf? Comment? Bah mec. Voilà quoi. Non, mais c'est très personnel. Bah oui. Bah elle fait comment? Comme tout le monde. Elle a une intimité dans cette émission maintenant. On a une intimité, mais moi j'aime pas l'intimité de Mano. Je suis désolée, j'aime pas quand il parle de cul de sa meuf. Ça me dégoûte. Je sais pas. Est-ce que t'as une testicule plus grosse que l'autre, Mano? J'ai jamais mesuré, mais je crois que tout le monde a un peu ça. Ouais, non je crois ouais, que c'est ça. Etienne, c'est normal. Comment c'est toi, les testicules? Oh bah c'est pareil, une plus grosse que l'autre. Non, je pense que c'est normal. Jusque là, tout va bien. Bon, il n'y a pas encore le caleçon vibrant, mais il y a l'anneau vibrant pour les mecs. À tester si t'as jamais fait. Bah écoutez, si vous voulez, je teste et je vous rappelle. Allez, on fait comme ça. Allez, on fait comme ça. À tout à l'heure. Rendez-vous alors. À tout à l'heure, Etienne. Bisous. Salut. L'équipe, je vais vous proposer des idées de sextoys. Vous allez me dire si ce sont des bonnes ou des mauvaises. Prêt? Ok. Go. Un sextoy musical qui vous sifflote du son dance floor dans la techa. T'imagines ou pas? À chaque va-et-vient. Allez, on y va. N'empêche qu'en boîte, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Une vaginette qui vous prépare à manger le temps de récupérer. Genre pendant que tu vois, tu récupères. Ce serait très bizarre quand même. Ouais, il y a un côté robotique. Ouais. Chelou. Un sextoy avec une taille et une largeur réglables. Je me demande si ça n'existe pas. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça, il faut le faire, ça. Belle idée. Ouais. Tu sais, tu peux l'agrandir. Enfin, si, c'est obligé. Les gars, venez, on plaque tout et on va monter notre boîte de sextoy. Un sextoy qui fait lampe torche. Pratique la nuit pour vérifier si les enfants dorment, tout ça. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Un sextoy qui compte le nombre de calories dépensées pendant la masturbation. Ouais, ouais, pas mal. Gars, pas mal. Tu peux déjà le faire avec ton iPhone, tu le laisses dans ta poche et ça compte. Attends, t'avais mais oui, il y a une appli. Il a raison, il y a une appli pour ça. Il y a une appli qui existe, tu laisses quand tu baises, enfin, soit tu le gardes dans la main, soit tu le laisses dans ta poche. Mais oui, moi je fais pas l'amour avec un pantalon. Ouais, voilà. Mais oui, mais là tu c'est une expérience. Un peu ton pantalon et ensuite hyper sensible. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Une vaginette à franges pour penser à Marion et Anne-Sou à tout moment. Oh l'angoisse. Ça me fait rire quand même. Une vaginette super poilue de ouf certifiée par Amir avec vous avec une photo d'Amir. Bah, ah ouais. Tu la vois ou pas? La vaginette sourcil. L'horreur. Ça me dégoûte. Mais c'est impossible de bander avec ça. C'est impossible. Bah, excusez-moi. Enfin, pardonnez-moi. D'une part, les gens ne peuvent pas bander parce que ça veut rien dire. Ok, il s'est lancé. Non mais si. Hey, pas où il allait. Bah si. Hein, c'est-à-dire que il y a des mecs qui me trouvent beau. D'accord, Amir. Merci, d'accord, Amir. Ouais. Ça marche. Merci. Bonsoir, Adrien Thomas. Bonsoir. Bon, ça va? Attends, Adrien Thomas. Quoi? Question pour toi. Est-ce que tu me trouves beau? Ça va super. Vous avez passé un bon. Voilà, merci Adrien, parce que c'était gênant. Bon, dis-nous, si toi tu pouvais inventer un sextoy, ce serait quoi? Un truc de ouf que t'aimerais tester? Je pense un truc qui soit pourrait te masturber, soit pourrait te faire une fellation, et en même temps, soit te mettre un doigt dans les fesses, ou te lécher les fesses. Ah ouais, pas bête. Voilà. Pas bête, moi j'avais pensé à la culotte aussi. T'actives un bouton, et là, bim, un wad. Ah oui, c'est un wet qui sort ça. De la culotte. Ah ouais. Tu vois? Mais violent quoi. Ou ça peut être surprenant doucement. Quoi. Bah, tu peux régler la vitesse. Ah, ouais, c'est-à-dire que bim, t'as mis. Et là, elle sort et. Enfin, je sais pas, c'est pas mal quand même. Et franchement, t'es bourré de bonnes idées depuis tout à l'heure, Marion. Vraiment, ouvre vous un business. Vous êtes quand même des sacrées coquines. Hein. Ouais. Mais non. Tu as deux doigts d'être malsaine là quand même. Hein. C'est pas parce que bon. Tu me dis, hein. Bon, Adrien Thomas, Party Fun, ça se présente bien? Ouais, il y a Martin Garrix qui a sorti un morceau pour l'E3. Qu'est-ce que c'est que l'E3? Eh ben, c'est un festival de musique électro. Pas du tout. Mais non, le 3 ans. Personne joue aux jeux vidéo ou quoi? C'est en ce moment à Los Angeles. Sans déconner, c'est le salon de jeux vidéo. Ah oui, ah oui. Dans le monde. À Los Angeles. Arrête. Et c'est Garrix qui a fait un son pour. Et Garrix a fait un son, voilà, qu'il a sorti en téléchargement gratuit. Et on peut écouter ce soir. Non, mais plus ça va, plus je l'aime ce jeune Martin. Mais surtout, il faut l'inviter sur une opération gaming. Il a l'air à fond. Bah oui. Attends, on va faire ça. C'est bien comme il parle couramment le français. Voilà, demain, hop hop hop, on appelle Martin Garrix. Si vous avez besoin d'un trad en anglais, je suis là. Je gère. Bon, on va vous laisser avec Adrien Thomas, Party Fun et son anglais magnifique. Tu vas faire ton speak en anglais d'ailleurs, hein. Prépare-toi. Okay, fais-moi, on va t'écouter. Nous, on va se retrouver demain. Allez mater toutes nos conneries là sur la chaîne YouTube Marion Enso, Marion Enso Gaming aussi. Je vous promets que la vidéo qui fait peur avec le jeu qui fait peur débarque demain au plus tard. Promis. Demain matin. Voilà. Promis. On va séquestrer le stagiaire et on va lui dire maintenant tu finis, c'est terminé. Nous on vous embrasse, on continue à suivre le foot. Là, la France c'est quoi? C'est mercredi? Ouais, mercredi après-midi. On sera en direct pour vivre ça avec vous. On va vous préparer des surprises demain. C'est Bruno et toute l'équipe qui vous réveille. Ouais. Et on termine comme d'hab en chanson. Je veux qu'il soit beau et propre celui-là, l'équipe. Donnez tout. Hein. Ok. Est-ce qu'on était content d'être là? Oh, on était content d'être là. Merci beaucoup. Receiver and speakers is strongly recommended. Party. Fun. Dance. Electro. Adrien. Adrien Thomas. Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Hi everyone, welcome to Party Fun, first fun radio tonight. It's a real pleasure to see you. And now, this is David Guetta and Zara Larsson on Fun Radio. Good night. C'est bien, ça m'arrange que l'entrée soit courte. Pas mal, hein. Et tu l'as bouffé là. Ouais. Bah, c'est bon, j'ai cru que j'allais faire toute l'émission. Fun. Party Fun. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. Fun, c'est Adrien Thomas. Minuit 14, on est en direct dans toute la France. Dites-moi ce que vous faites sur Snapchat. Vous m'envoyez une petite photo, un petit snap. Mon pseudo, c'est Adrien Thomas. T-O-M-A. Allez-y, vous bossez, vous êtes à la cool à la maison, vous révisez. Je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous faites en écoutant Party Fun? Dans un instant, Alesso. Et puis tout de suite, Martin Garrix, qui a donc sorti un morceau pour l'E3. Alors l'E3, c'est le salon des jeux vidéo le plus connu du monde. C'est le plus gros festival et le salon le plus important des jeux vidéo dans le monde. C'est à Los Angeles. Voici donc Martin Garrix et le morceau qui s'appelle Oups. Si vous l'aimez, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Il est en téléchargement gratuit et vous le découvrez dans Party Fun. We'll be right back. Send me these signs and I see other guys get them too.